Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien avec Yannick. Pour la première fois, ici David au micro qui vous salue, peu importe l'endroit que vous êtes dans le monde à m'écouter naturellement. Et je salue plus particulièrement Yannick. Donc, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Donc, pour un premier entretien ensemble, c'est sûr que ça va être intéressant comme discussion. Et puis, c'est sûr que pour commencer, on peut mettre en contexte le fait que je t'ai découvert à travers de vidéos que tu fais sur Internet. Notamment, une chaîne sur YouTube. Ouais. Donc, je vais pouvoir, c'est sûr, partager les coordonnées de la chaîne là, en bas de l'enregistrement. Et OK. tu as aussi un compte Facebook. Yannick Chauret, Chauretyck, pour les intéressés, je suis un peu ouvert à tout le monde là. Parfait. Donc, pour ce qui est de YouTube, est-ce que tu te rappelais le nom de la chaîne? Ben oui. Je suis quand même encore capable de me rappeler de ça, là. C'est Supra justement par le feu. Veux-tu que j'en parle un peu plus pour que les Oui, gens pour comprennent un en faire peu? la présentation. OK. Ben, dans le fond, moi, ça fait un petit bout que je suis dans le Supra mental, puis que j'écoute les gens beaucoup, j'observe, je suis dans les groupes et tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations qui commençaient à descendre, rentrer dans le moi, puis ça devenait vraiment très dur à tout garder ça, puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je parle. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis la première fois que j'ai fait une vidéo, ça a eu un impact que je m'attendais vraiment pas. Fait que je me suis mis à essayer de m'ajuster justement à travers ces vidéos-là. Moi, mon but, c'est pas Ben, attends une de... minute, ouvre la porte sur quelque chose. C'est quoi l'impact imprévu que ça a eu? Ben, premièrement, je me suis senti vraiment bien. Je me sentais comme, premièrement, du point de vue de l'intérieur, ce que ça l'a fait, c'est que je me sentais vraiment en vibration, puis dans mes énergies. Puis quand je me suis réécouté, je comprenais pas que c'était moi qui venais de parler parce que c'était tellement de l'instantanéité que je disais des affaires que je savais même pas que je savais, tu sais. Puis sur les réseaux sociaux, c'est venu chercher les gens. Puis moi, je m'attendais pas nécessairement à venir chercher les gens tant que ça. J'étais vraiment. Moi, j'ai fait ça d'un premier abord pour confronter mon ego aussi, parce que ça y tentait pas pantoute. Je me rappelle le matin même, j'étais quasiment en train de me cacher dehors pour pas aller faire mon vidéo, tu sais, puis j'étais seul chez moi. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à le faire, je regardais la vidéo, puis là, j'avais l'impression que c'était vraiment long le temps, là, puis que ça faisait 10 minutes, puis qu'il fallait que je fasse plus que ça. Puis là, ben, je me dis, bon, ben, ça fait 10 minutes, je vais arrêter. Puis là, ben, quand j'arrête, je me rends compte que ça fait genre une demi-heure que je parle. C'était vraiment intéressant. Non, exactement. Souvent, le plus difficile, c'est de briser la glace. Ouais, c'est ça. Faire un premier enregistrement, moi-même, au début, quand j'ai commencé, il m'arrivait d'être gêné. C'est sûr qu'il faut se donner le droit à l'erreur, avoir une certaine permissivité envers soi, être capable de s'accueillir dans l'expérience, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, par rapport à ta chaîne YouTube, là, de ce que j'ai vu, c'est que tu as quand même réalisé là, plusieurs enregistrements au cours des derniers jours. Ouais. Ben, c'est plus au niveau de Facebook. Dans le fond, c'est hier, j'avais des démarches à faire au niveau gouvernemental. Il fallait que j'aille régler certains papiers. Oui. Puis là, à un moment donné, je m'en vais là-bas. Puis là, je ressens mon ego qui se sent traité comme un numéro, puis qui est fâché. Puis là, à un moment donné, je regarde cette colère-là en dedans de moi par rapport au gouvernement, puis je me dis, à quoi ça me sert d'avoir cette colère-là? Ce gouvernement-là, si moi, en tant que conscience, je suis dans un corps physique qui habite dans un monde où ce que ce gouvernement-là, ça veut dire que mon ego correspond à ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de moi qu'il faut que j'aille voir pour être capable de manifester autour de moi un environnement qui me ressemble plus éventuellement, tu sais. Puis là, je me suis mis sur une piste de conscience, puis là, je me suis mis à parler, puis écoute, c'est ce que j'ai dit, je m'en rappelle plus honnêtement, mais je sais qu'en dedans de moi, ça vibrait tellement fort que le sentiment que j'ai reçu à mon première vidéo, c'était x5 au moins cette fois-là. J'étais vraiment dans une colère vibratoire qui était. Écoute, c'était une colère vibratoire, mais en même temps, Oui, je prenais pas ça au c'est sérieux. la vidéo que dans le fond, j'ai visionnée il y a quelques heures, là. Ouais, c'est ça. Exact, que je chantais qu'il y avait plus, dans le fond, d'intensité dans la vibration que tu dégageais que la première que tu as faite. Ouais. Donc, ça, je l'ai senti à l'écoute et ça m'a donné aussi l'intérêt d'entrer en contact avec toi pour réaliser un premier entretien. OK. Donc, parce que c'est sûr, le travail avec la vibration supramentale, c'est un travail d'intensité Ouais, c'est ça. énergétique. Donc, c'est l'intensité vibratoire qui permet à l'individu d'avoir accès au réel, puis avoir la force de Exact. pénétration psychique pour avoir la capacité d'aller chercher, d'aller prendre des informations dont il a besoin dans l'instantanéité du moment présent. Exactement. Donc, plus que la personne est capable de monter efficacement puis rapidement en intensité sur le plan énergétique, plus qu'il a l'autorité vibratoire d'aller sur les plans puis aller chercher l'information requise pour répondre à son besoin. Exactement. Donc ça, c'est intéressant comme mouvement. Et c'est ce qui m'a interpellé rapidement chez toi. Et c'est sûr que par rapport à ta chaîne YouTube, bien, comme mentionné précédemment, je vais donner les coordonnées là, en bas de la vidéo présente pour les gens qui ont envie de te découvrir. Et c'est sûr qu'en t'écoutant ce qui m'est venu en tête, l'idée qui a popé, qui a émergé dans ma conscience, enfin. Une autre personne qui, dans le fond, s'intéresse à la conscience supramentale, puis en plus, c'est un jeune. Donc, c'est intéressant de voir que présentement, il y a de la relève, comme on dit. Ben, moi, je suis présentement en correspondance avec beaucoup de gens en France, des jeunes, des gens qui. Puis c'est fou, hein? C'est bien fait pareil, la conscience, parce qu'on est tous des gens qui ont commencé à peu près dans le même temps. Tu sais, j'avais entendu Bernard puis Kem parler de vagues, puis il disait que proche de 2000, 2020-2023, pour moi, c'est juste des chiffres puis des dates, mais en même temps, ça vient me parler parce que je me rends compte qu'on est beaucoup, beaucoup qui ont commencé à peu près en même temps, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraide. On se parle, on s'ajuste ensemble, puis ça va vraiment beaucoup plus vite. Tu sais, dans le temps, on parlait beaucoup d'ajustement par le couple, mais là, c'est rendu beaucoup plus qu'à deux. J'ai l'impression qu'on s'en va vers un mouvement de, peut-être pas de masse planétaire, mais au moins vers une gang, tu sais. Ce serait cool que Ben oui, je ben le là, sente. il y a des réseaux sociaux spécifiques sur Internet là, par rapport au supramental. Tu sais, je pense à des Ouais, groupes c'est ça. Facebook en lien avec la conscience supramentale. Il y en a quand même Ouais. plusieurs auxquels je suis abonné. Et d'ailleurs, c'est à travers l'un d'entre eux là, que je t'ai découvert, à travers Ouais, la exactement. vidéo d'aujourd'hui. Et c'est sûr que dans le fond, par rapport à ça permet des synergies qu'il n'y avait pas autrefois, entre autres C'est dans les ça. années 80 où il n'y avait pas d'Internet. Non, c'est ça. Donc, les gens pouvaient entrer en interface vibratoire, mais c'était en physique, tandis que là, tu peux être en contact avec quelqu'un en Europe et à travers le réseau là, de Facebook ou des vidéos YouTube puis des échanges de clavardage. Donc, il y Exactement. a des opportunités aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois grâce aux moyens technologiques modernes. Et c'est sûr que par rapport à toi puis ta génération, donc les plus jeunes qui vous baignez dans la technologie, ben, c'est sûr que ça peut servir en effet pour faire un réseautage accéléré à travers des Exactement. individus qui se conscientisent, alors qu'autrefois le phénomène n'aurait pas été techniquement possible de par les supports informatiques qui n'étaient pas encore suffisamment développés pour ça. Exactement. C'est ça. C'est intéressant parce que des fois je regarde un petit peu comment tu réagis parce que j'explique des choses, puis des fois je parle rapidement, puis je capte quand même que tu captes ce que je dis, tu sais. Ouais. Fait que, ben, tant mieux. Donc, sinon, en fait, par rapport à toi, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au matériel supramental là, de Bernard de Montréal et de Daniel Kemp, entre autres. OK, ben moi, là, on va aller dans un vécu un peu plus personnel, là. Je vais y aller bref, parce que ça me tente pas de m'éterniser là-dedans, mais c'est surtout pour que les gens puissent s'identifier, puis en même temps pour que. Ben pour le fun, tu sais, ça va mettre en vibration, tu sais. Fait que moi, j'ai vécu dans un milieu assez défavorisé, dans tu sais, la rue, puis ces choses-là, puis beaucoup de souffrance. Tu sais, quand moi, j'ai bien été intéressé par Daniel Kemp parce qu'il parlait de l'enfant Teflon, l'enfant qui est super rebellé contre ses parents, l'enfant qui veut rien savoir de suivre dans la société, l'enfant qui veut rien savoir de suivre les rangs. Puis à un moment donné, ben, ça m'a amené tellement bas que tout ce que je voulais, c'était abandonner, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai dit à l'invisible, sans savoir vraiment ce que je faisais, s'il y a quelque chose d'autre, je veux le voir parce que sinon, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai vraiment pété une coche vibratoire. T'sais, je ne savais pas ce que je faisais. T'sais, c'est fou, l'inconscient humain, Ben, comment ça exactement, fonctionne. mais implicitement, ce qui est intéressant de dévoiler derrière ça, c'est le phénomène de la contestation de C'est ça, l'occulte. exact. Donc, le phénomène où ce que tu t'opposes, Donc, implicitement, ça a amené une confrontation avec l'invisible, puis à ce moment-là, l'invisible s'est développé à toi? Pas tout de suite. Ce qui est arrivé, ben oui, mais j'étais encore dans le spirituel ou ce que moi j'appelle l'esprit rituel. Tu sais, la OK. spiritualité, c'est pas mal le rituel de l'esprit, là. Là, qui restent jamais longtemps parce qu'ils sont au niveau de l'âme. Mais ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que moi, j'ai arrêté tout ce que je faisais, tu sais, consommation, cigarettes, etc., etc. Puis c'est sûr que ça, sur le coup, ça n'a pas marché. Puis j'ai eu d'autres difficultés dans ma vie, jusqu'à quand j'ai découvert Bernard en mars. Mais ce qui est arrivé, c'est que. Donc, au mois de mars de l'année 2020. Ouais, exactement. OK. Donc, ce qui est arrivé l'année passée, moi, j'étais dans un milieu hospitalier, tu sais, puis j'ai vécu tellement de débalancement que j'ai pris une redirection totale dans ma vie. Je me suis ramassé dans des milieux où ce que, tu sais, je me suis ramassé en thérapie, je prenais soin de moi, etc., etc. Je veux pas mettre de barrière sur qui j'étais. Dans le fond, je m'en fous, tu sais. Puis là, à un moment donné, je faisais du travail sur moi. Tu sais, là-bas, on a fait une affaire où ce que tu vas dans toutes tes mémoires jusqu'à bébé, genre. Puis là, en faisant ce clean-up de mémoire-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu de quoi? J'ai lu un texte qui s'appelle le Tao, qui a été écrit, que j'ai appris par après, qui a été écrit par l'énergie supramentale à l'insu de l'auteur dans le temps. Quand j'ai lu ça parlait de la polarité. Puis ma vie a commencé juste en lisant ça a réveillé de quoi en dedans de moi. Ça m'a comme connecté avec l'esprit pendant un bout. Puis j'étais dans quelque chose de tellement instantané, puis de tellement pur qu'on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme regardé l'horloge, puis j'ai vu le temps carrément accélérer d'une shot. OK. Ça m'a. Là, j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal ici qui se passe. Puis là, quand j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un, moi, dans ma tête, à moi, là, j'étais le seul qui savait pas ça. Puis tout le monde autour de moi est en thérapie pour réaliser ça, OK? Puis là, je m'en vais voir l'intervenant. C'est ça. Puis là, moi, je m'en vais voir l'intervenante. Puis là, j'ai dit, bon, mais ça y est, maintenant, je le sais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a envoyé, dans des soins. J'ai été récupéré par l'astral, j'ai été récupéré par ci, j'ai été récupéré par ça. J'ai été dans des doutes jusqu'à temps que je découvre Bernard en mars, dans le fond, puis que je commence à faire le travail sérieusement sur moi, que je me mette à. Au début, tu sais, on mimique un peu les termes, pas toi qui penses, pas toi qui ci, pas toi qui ça. Puis là, tu es dans la rébellion, tu vois de l'astral partout, mais à un moment donné, tu finis par rire de l'astral, tu sais, parce que tu te rends compte que tant que tu vas être assujetti à la peur de l'astral ou à la colère contre l'astral, c'est eux autres qui vont te dominer dans un sens, tu sais. Oui, exactement. C'est sûr qu'en fait, il peut y avoir une dépolarisation du rapport à l'astral qui peut s'opérer, mais en même temps, ça prend une capacité de faire respecter son territoire psychique puis de Ouais, c'est ça. contestation parce qu'il ne faut pas non plus être passif par rapport à l'astral, parce que sans ça, Non, non, non, non, non. l'astral qui est tellement puissant présentement que les égrégores d'énergie associés à la crise du coronavirus peut nous rentrer facilement dedans. Ah, solide. Ben oui, c'est ça. Faut être très, très, très alerte, mais en même temps, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le but, c'est d'instaurer ta souveraineté, comme certains diraient, ou moi, ce que j'aime bien. Moi, je me sens bien proche de la vibration de Daniel Kemp, puis il a fait un programme qui s'appelle le programme Mind Controller que j'applique tous les jours dans ma vie présentement pour essayer de monter mon taux vibratoire, puis tu sais, il y a des moyens de créer le double, il y a des moyens de. Il y a plein de choses à faire, puis c'est surtout pour créer un contact avec l'ajusteur de pensée à long terme, que j'ai déjà commencé à développer depuis quelques temps. Puis moi, je me rends compte que quand je suis le boss, quand que je le sais, que je me mind à me dire que c'est moi le boss, ben je vois déjà pas mal plus les games de l'astral, puis là, je suis comme, hey! Arrête de me niaiser. Puis je me fie surtout à ce qui vibre beaucoup plus qu'à la pensée qui va me dire, hey, je suis le boss. Quand que je vibre que là, c'est moi qui mène, puis que l'astral il essaie de me dominer, moi, écoute, je vais rire de toi. Puis moi, je ris de l'astral carrément parce que si je me mets en colère, j'ai un danger que ce soit une colère émotionnelle, tandis que une entité, c'est assez niaiseux pour pas comprendre quand tu ris d'elle. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, l'entité peut être assez sensible pour être capable d'intercepter le choc énergétique qui peut provenir d'une contestation vive pour faire respecter son autorité. Ah ben oui, ça c'est sûr. Une colère, quand tu es en colère mentale, quand tu dis là, wow, minute, ça fait. Comme là, moi, ça fait 2 jours que j'ai arrêté de fumer. Oui. Puis là, je vois toutes les petites manigances là, de l'astral pour rester poli. Je vois toutes les petites manigances de l'astral, une après l'autre, qui m'envoient toutes les mémoires comme une relation amoureuse, genre, ça me. Te rappelles-tu de quand tu fumais cette cigarette-là sur le bord du quai? Comment tu étais donc ben en écoutant ta conférence? Ou, oh, te rappelles-tu de la smoke que tu as fumée? T'en fumeras plus? T'sais... Ouais, pis! Ouais, pis! Là, je regarde l'astral, puis je suis comme, wow, minute, là! Wow, minute, là! Tu m'auras pas de même! Puis là, je me mets à jaser avec. Puis là, je me mets à avoir une conversation du point de vue de l'esprit avec mon ego pour lui montrer que c'est niaiseux d'être attaché à ça. Puis là, je rentre dans une colère mentale tellement puissante qu'il faut que je fasse de quoi avec. Puis c'est là qu'aujourd'hui, hey, c'est deuxième, c'est pas évident d'arrêter de fumer, là. Deuxième journée aujourd'hui, j'avais tellement d'énergie, tellement de tension, c'est-à-dire d'énergie dans mes canaux qu'il a fallu que je fasse de la musique pendant 4 heures pour ajuster mon feu avec mon verbe. Ça a été vraiment, mais vraiment quelque chose. J'étais levé un matin, là, j'étais dans une grosse colère, c'était intense. Non, exactement. C'est sûr que l'énergie, il faut qu'elle soit extériorisée. Ouais, c'est ça. Puis il y a différents moyens pour ça. C'est sûr qu'en effet, l'activité artistique, comme la musique, ça peut être activité physique aussi. Donc, de soulever des poids et haltères, faire de la course, du jogging, l'activité sexuelle aussi. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a différentes façons. L'idée, c'est d'être capable de gérer l'énergie de manière à favoriser la libre circulation à travers nous pour pas la refouler puis être névrosé. Exactement, c'est ça, parce que sinon l'astral te domine, c'est pas long, là. Non, exactement. Parce que pour être en santé, de toute façon, il faut que l'énergie circule. Parce que tout ce qui est retenu, qui est bloqué, c'est une entrave à la vitalité de l'individu, tu sais. Exactement. Donc, Parce que moi, je oui. vois ça comme si, mettons, on était une batterie, tu sais, puis on était une pile pour l'astral pendant des années, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu es une batterie, puis que tu peux te charger toi-même, puis là, l'astral va tout faire pour récupérer le contrôle qu'il y avait sur ton énergie, puis à un moment donné, tu te rends compte que quand que le contrôle s'en va, tu as de plus en plus d'énergie, puis là, ça peut créer au début beaucoup plus de tension, puis ça fait partie de la game de l'esprit, selon moi, tu sais. Oui, ben il y a une Mais période de sevrage de l'astral, un peu comme une période de sevrage de la ouais, c'est ça, c'est cigarette. exactement ça. Exactement. Sinon, est-ce que tu avais vu le premier film de La Matrice avec Keanu Reeves? Aïe, j'ai écouté ça là, peut-être un mois. OK. J'ai En réécoutant ça en conscience, là, j'ai tellement capoté. C'est vraiment ça. Donc, c'est ce que tu décris, ça me fait penser exactement à ça, c'est-à-dire que Parfait. dans le film La Matrice, les individus sont dans un système qui leur échappe, qui leur est occulté, Ouais, et c'est puis ils ça. servent de batterie pour alimenter un système dont ils ignorent toutes les ramifications. C'est ça. Donc les êtres humains sont gardés, manipulés à leur insu dans un système de réalité artificielle, puis pour en sortir, il faut que l'être humain devienne réel. Donc, mais c'est pas évident parce que pour ça, ben, il faut qu'ils réussissent à se dégager du système, puis le système cherche à le retenir, puis il y a des bénéfices secondaires associés au système. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve important de dire, c'est que quand on parle du système, on parle surtout pas des individus qui, eux, sont probablement. Moi, j'ai remarqué que plus qu'ils sont hauts dans le système, qu'on parle de société secrète ou tout ça, c'est des gens qui sont encore plus manipulés que nous autres par les hiérarchies, tu sais. On est chanceux d'être des gens dans la société. Tu sais, comme moi, j'ai pas grand-chose qui me retient dans ce monde-ci, puis je suis vraiment content d'être tombé sur la conscience sans grosses attaches parce que je peux me concentrer à 100% sur mes énergies. Non, Là non, où est-ce que mais j'aime. je comprends ce que tu veux dire parce qu'après tout, les biens qu'on possède peuvent finir par nous posséder. Dans Exactement. le sens que quelqu'un a beaucoup à perdre. Tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui travaille comme médecin, puis c'est sûr que dans la période de la crise du coronavirus, un médecin ne peut pas sortir sur la place publique puis tenir un discours ici au Québec différent du gouvernement parce qu'il risque d'être exclu de l'ordre des médecins puis perdre son travail. Ben, ça dépend. Moi, ce que je me dis que si l'individu, il vient pour. Si le médecin, par exemple, là, il vient parler du coronavirus, mais il amène un point de vue qui est pas. Qui serait pas pro ni contre le gouvernement, mais un point de vue qui aurait bien de l'esprit, puis qui serait différent, puis qui serait créatif par rapport au coronavirus ou par rapport à quoi que ce soit. Y a rien qui empêche l'individu de se définir en identité ou en individualité sans aller contre un système. On est allé contre le système depuis Non, non, tellement d'années. je comprends ce que tu veux dire, mais par contre, il faut qu'ils respectent un certain paramètre en lien avec Ouais, le c'est ça. système, dans le sens que, tu sais, si je pense au policier, là, Maxime Ouimet, là, qui a Ouais. sorti publiquement, je sais pas si tu as eu vent de lui, là. Plus ou moins, mais Mais j'ai en vu pas tout mal cas, que. c'est ça, pour faire une histoire courte, lui, à un moment donné, il a dit publiquement là, que, par exemple, dans un poste de police à Laval, que les gens portaient pas nécessairement ses collègues policiers le masque. Puis lui, il croyait pas nécessairement au discours officiel. Puis finalement, ben aujourd'hui, il a perdu, en tout cas, il a plus son travail là, de policier. Puis c'est un travail qui était quand même bien payé. Par contre, il y avait la capacité de soutenir ce qu'il disait parce qu'il y avait d'autres business, il y avait d'autres entreprises, là, donc il se retrouvait pas à rien, là, à la différence de d'autres personnes, OK. là. Donc, c'est ça, mais dans le fond, en fait, comme tu disais, c'est sûr que l'individu n'a pas nécessairement à parler contre le système parce qu'à ce moment-là, il s'expose à de la polarisation et des oppositions. C'est ça. Exactement, mais bref, ce que je voulais en venir, c'est que c'est sûr qu'en effet, si toi, t'as pas d'attache matérielle, ben, t'as un avantage sur un paquet de personnes parce que t'as une plus grande liberté. C'est ça, ouais, dans un sens, T'as rien ouais. à perdre! Non, c'est ça, j'ai tout à gagner. Non, mais c'est ça qui est arrivé, c'est que moi, j'aurais pas pu arriver dans conscience comme que je suis arrivé présentement si j'avais encore les attaches que j'avais avant, parce que j'avais beaucoup de, c'est disons, de la dépendance affective, j'avais beaucoup de dépendance Exactement. matérielle. Mais de Puis à un toute moment donné. façon, Yannick, en lien avec ça, ce qui me vient en tête, puis je vais te laisser parler, là, Ah, c'est vas-y. que peut-être dans 3-4 ans, si ça continue comme ça, l'endettement du Canada, avec au-dessus de 500 milliards juste en quelques mois, puis ça continue avec la crise du coronavirus, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont se ramasser en situation de ne plus avoir rien à perdre aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va y avoir des faillites de commerce, les petites et moyennes entreprises, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que peut-être que tu es un précurseur à comparer d'autres personnes qui, dans quelques mois, ils vont avoir un effondrement. En tout cas, peut-être pas effondrement mondial, c'est gros, là, mais je veux dire, il va y avoir des changements de société importants si la crise perdure dans le temps en termes sur le plan économique. Mais je te laisse parler. Ah non, ben c'est intéressant ce que tu amènes parce que ça serait un temps parfait justement pour préparer un terrain comme ça. Tu sais, je parlais avec beaucoup de gens de sociétés supramentales ou une société qui serait beaucoup basée sur l'énergie puis sur l'entraide puis tout ça. Puis c'est sûr que ça prendrait du capital, ça C'est prendrait ça, peut-être même mais des. la nuance que je ferais par rapport au supramental, ce ne serait pas une entraide au niveau astral, de haute Non, non, astralité non, non, non, non, non, non, psychologique. vraiment pas. Ça serait plus au niveau d'un échange d'énergie. Exactement. Puis la façon que je vois ça, c'est éventuellement l'émergence d'un gouvernement supramental qui va être le résultat d'individus qui vont se noyauter et réseauter entre eux avec une affinité vibratoire pour établir les bases de ce que Bernard de Montréal appelait la micro-société C'est consciente. ça. Exactement, mais ça va se faire dans le temps, puis ça va se faire implicitement à travers d'échanges de gens, dans le sens que présentement sur Facebook, tu as des réseaux qui se créent. Ouais, Donc, exactement. tu peux avoir un groupe là, en lien avec le supramental qui va réunir peut-être 500 personnes. Puis là, à travers les 500 qui interagissent entre eux, bien, il y a des liens qui peuvent se créer, des synergies. Puis par rapport à ça, bien, éventuellement, il peut y avoir des échanges de services. Puis tranquillement, bien, c'est les bases de la société qui s'installent. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, comment je verrais ça, un gouvernement invisible, moi, ça me ramène beaucoup au concept du grand monarque, tu sais. Puis pour moi, le grand monarque, c'est pas quelqu'un, tu sais. J'ai entendu, il y a des rumeurs qui courent qu'il y a 72 grands monarques au Québec, un peu répertoriés partout, tu sais. Mais c'est pas ça. Pour moi, le grand monarque, là, c'est. Moi, je parlerais, tu sais, comme dans le livre de Bernard, il parle d'un crise mondiale ou ben non, d'un double éthérique planétaire. C'est qu'en ce moment, l'astral planétaire, il est en train de se. Tu sais, on est au début de l'évolution, puis l'astral est Oui. en train de se faire nettoyer puis d'être transmuté en éther, en double éthérique. Puis à un moment donné, quand il n'y aura plus d'interférence entre la planète puis le double éthérique planétaire, ben les individus, ils n'auront pas besoin d'un gouvernement parce qu'ils vont être commandés par l'énergie puis ils sauront exactement ce qu'ils ont à faire. Oui, Parce qu'on exactement. Il va y est. avoir une autorégulation qui va se faire sans interférence astrale. N'y aura plus de hiérarchie, comme on dit, parce que c'est une illusion, cela, Ben, en fait, j'apporterai une nuance parce que tu peux avoir des gens qui touchent à une conscience supramentale, ouais. mais tu peux avoir aussi dans le cosmos d'autres êtres de d'autres natures. Puis, si les êtres n'ont pas le même taux vibratoire, il y a un rapport hiérarchique qui peut s'instituer explicitement ou implicitement de par le différentiel énergétique qui réside entre ces êtres. Ben moi, comment je vois ça, c'est que, tu sais, on va parler d'esprit, mais moi, comment j'ai vu ça, c'est que je vois ça comme des faisceaux, tu sais, c'est comme un plexus solaire. Le plexus solaire, il y a 12 petites membranes qui seraient les 12 faisceaux principaux, tu sais, le Nazaréen, lui, il a pogné les 12 premiers individus, plus Lazare, tu sais. pour réchauffer leur faisceau à eux autres. Puis quand il a initié Lazare, il a donné les clés de la gang, puis il a dit, moi, je sac mon camp, je peux pas venir ici, ça, c'est des malades, tu sais, moi, je reviens pas ici. Puis il a donné les clés à Lazare, qui est le 13e faisceau, qui est le faisceau qui régit présentement la mécanique planétaire, donc qui s'occupe de la polarité sur la planète, donc des sociétés secrètes, dont les Rose-Croix et les francs-maçons. Puis c'est comme si les lois étaient là en attendant, comme balise pour l'homme, en attendant que les faisceaux soient assez réchauffés. Puis à un moment donné, quand que ceux qui sont en conscience dans le faisceau lazarien, c'est-à-dire quand que les êtres humains qui sont régis par ce faisceau-là, mais qui ne sont pas sous l'influence des hiérarchies invisibles, vont grandir en conscience, mais toute la puissance qui est utilisée pour avoir du pouvoir sur l'homme va venir dans ces êtres-là pour atteindre une puissance assez suffisante pour venir régulariser ce qu'il y a à régulariser pour qu'après ça, les 12 autres faisceaux puissent fonctionner d'eux-mêmes. Fait que si, oui, il y a une hiérarchie, ça va être la vitesse à laquelle les faisceaux vont se réchauffer. Parce qu'en ce moment, il y a des faisceaux qui sont plus réchauffés que d'autres. Tu sais, Bernard, il a réchauffé un faisceau, Kemp a réchauffé un faisceau, puis d'autres ont sûrement réchauffé des faisceaux, j'en connais pas plus que ça. Moi, j'ai surtout Ben, étudié. réchauffer des faisceaux, j'essaie de te suivre, là. OK. Dans le fond, moi, ce que ça me dit intérieurement, est-ce que tu veux dire dans le sens que allumer des gens, allumer un groupe, un égrégore? Non, c'est pas des égrégores. En fait, c'est que du point de vue de l'esprit, c'est comme s'il y avait 12. On va mettre une forme là-dessus, mais il n'y en a pas. Tu sais, moi, j'ai mis la forme faisceau parce que ça me parle. Mais c'est comme s'il y avait 12. Dans le fond, il y a l'énergie supramentale Oui. qui elle, réchauffe des esprits, qui, elle, passe à travers des esprits ou des faisceaux. Appelle ça comme tu veux. Puis cette énergie-là vient les réchauffer pour les reconnecter à Ah, la les source. activer. Ouais, c'est ça, OK, exactement. ben moi, ce qui me vient en tête, c'est une contamination énergétique. Par exemple, par rapport à quelqu'un qui entre en contact avec un initié. Donc, si on prend par exemple Bernard de Montréal, il a animé des activités de séminaire où il y C'est a eu ça. peut-être à peu près 2 000 ou 3 000 personnes de son vivant qui ont assisté à des fins de semaine intensives. Bon, ben, il y a une C'est ça. activation énergétique C'est qui est ça. faite parce qu'il y a une imprégnation significative de ces gens-là. Exactement. Ces gens-là peuvent à ce moment-là véhiculer dans mesure ce qu'ils ont intégré puis absorber la vibration d'autres personnes. Puis là, l'effet multiplicateur se produit. Exactement. Puis c'est ce qui est arrivé, par exemple, c'est que genre Kemp, lui, il avait une certaine affinité vibratoire avec certaines personnes, Bernard avec d'autres. Fait que ça leur allumait un paquet de personnes. Sauf que le problème qui a pu arriver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dépendants de la source de ces deux individus-là, puis que aussitôt que ces individus-là sont partis, les gens ils étaient pas connectés à leur propre source, puis ils ont pas pu continuer à s'alimenter eux-mêmes, puis ils sont les Non, faisceaux. exactement, parce qu'ils n'ont pas développé leur autonomie psychique. Exactement, c'est ça. Pourtant, Bernard de Montréal, à multiples reprises, a Ah, répété il l'a utilisé. l'importance, faut pas croire ce que je dis. Non, c'est ça. Puis moi, je fais exprès dans mes enregistrements régulièrement, je répète, ne croyez pas ce que je dis, vérifiez par vous-même pour amener tout le temps les gens à eux-mêmes et ne pas occasionner de dépendance à l'égard de ma personne. C'est ça. Puis ce que j'ai remarqué surtout qui est important, moi, comment j'ai interprété ça ou comment je le vis ça présentement, là, moi, ne pas croire, là, Oui. c'est que ce qu'ils ont dit, c'est des farces. Ils ont amené des formes pour Oui. que l'individu ait des pistes de solutions. Sauf que c'est quand que tu vas aller en arrière de ces formes-là, comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, ce gars-là, pour de vrai, en réécoutant, comme qu'il disait à un moment donné, là, il disait, en réécoutant, tu vas comprendre la vibration qu'il y a en arrière. T'es bon pour imiter Bernard puis rouler les airs. Ah, j'adore faire ça. OK. Ça me met dans le personnage, puis je fais des jeux d'impression mentale avec ça un peu des fois. Parce que moi, j'essaye de comprendre la vibration des deux antennes qu'il y a eu pour essayer de faire quelque chose. Ah, ben il y en a eu d'autres en passant, là. Ben oui, je sais, il y a eu Des Daniel Ménard, il y en a eu. initiés, c'est ça, des initiés dans le domaine du supramental, il y en a plusieurs, comme tu dis, il y a Daniel Ménard, il y a eu aussi Marc de la Salle. Ouais. Puis il y en a qui n'ont pas nécessairement aussi été dans le domaine public, ils n'ont pas nécessairement fait d'enregistrement public. Moi, Non, c'est ça. j'ai entré en contact en privé, ça a l'air de rien, mais avec des gens par courriel que c'est des échanges privés, puis ils vont Ouais, pas c'est faire ça. d'entretien avec moi, puis c'est correct, je respecte ça, tu sais. Fait que, Non, c'est ça. exactement. Fait que, tu sais, les gens qui prennent la parole en public, c'est de la pointe de l'iceberg. Exactement, Mais c'est il ça. y Moi, a plein de j'appelle ça des choses qui se portes font d'entrée. dans les coulisses, là. C'est ça, c'est là que ça se passe. Dans le fond, moi, je vois ça comme des portes d'entrée énergétiques pour vivre ton aventure personnelle dans un sens. La grande aventure de la conscience, comme qu'il disait Aurobindo, hein? Oui, exactement. Hein? Donc, Puis je me oui. Puis plus j'avance en conscience, plus je me rends compte qu'à un moment donné, ça devient essentiel, même primordial, d'arrêter de dépendre de ces antennes-là, puis de vivre ton aventure à toi-même pour devenir le maître de ta vie, puis de manifester une réalité. Parce que tu sais, moi, je vois la réalité multidimensionnelle. Dans le fond, c'est comme si chaque être humain est dans une réalité que celui va vivre du début à la fin. On croise les autres, mais on les croise dans un temps qu'on les recroisera plus jamais. Comme, qu'est-ce qui me dit que la conversation que j'ai avec toi, v'là une heure, je l'ai avec le même toi que je l'ai présentement. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que à chaque fois que tu dis quelque chose, ça te dirige vers un possible, vers un possible, vers un possible, vers un possible. Exactement. De toute façon, sur un autre plan, on peut dire qu'on se requiert continuellement. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que les cellules de notre corps changent, mutent, Exactement. et puis notre corps se refait au niveau de la matière, mais aussi au niveau psychique. À mesure qu'on change Exact. d'état vibratoire, un peu comme un serpent qui mue et qui laisse de côté sa peau d'ancien serpent, bon, on devient tout le temps quelqu'un de différent. Exact. Donc, c'est sûr que le facteur de continuité, c'est la permanence de l'être, en dépit de l'impermanence de la forme que peut représenter notre corps physique. Donc, cette forme qui nous est chère. Ouais. Donc, oui. La maudite forme. Ben, en fait, ça dépend, parce que ça, c'est un autre aspect, hein, tu sais. La façon qu'on le parle, on peut polariser. Donc, Oh non, mais c'était une farce que je faisais, ça oui. c'est sûr, Non, là. ben c'est bien correct, là, ouais. Parce que moi, je me rends compte que si je prends pas soin de ma forme physique, c'est l'expression matérielle de ce que je suis sur les autres plans dans un sens. Dans un sens. Oui, parce que tout est interrelié. C'est ça, exactement. Les réalités sont imbriquées les unes dans les autres. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est à travers le corps physique qui est quand même essentiel pour traduire une vibration dans le plus bas niveau de densité. Mais en même temps, il ne faut pas perdre la multidimensionnalité de notre être de vue Mais pour, non, vraiment pas. dans le fond, c'est ça, devenir conscient là, d'aspects de nous-mêmes qui pourraient nous être voilés alors. Exact. OK. Sinon, je voulais t'entendre sur comment est-ce que tu définirais l'esprit? Pour moi, l'esprit, c'est bien simple. Pour moi, de l'esprit, c'est tout ce qui orchestre la forme à l'insu de la forme. Autrement dit, attends une minute, là, je vais essayer de me mettre en vibration avec l'esprit parce que pour moi, j'essaie de ne pas mettre de forme là-dessus le plus possible. OK. Comment je vois l'esprit, dans le fond, c'est tout ce qui est instantané. C'est tout ce qui est. Tu sais, exemple, comme qu'on parlait tantôt avant qu'on commence à enregistrer, là, quand tu parles avec les gens puis que tu n'essaies pas de réfléchir à ce que tu dis, que tu te laisses aller puis que là, tout d'un coup, tu dis, hey, c'est pas fou ce que je viens de dire là. Ben là, c'est de l'esprit pour moi. C'est quand que tu essaies de pas mettre. Quand que tu laisses ton énergie parler à ta place ou agir à ta place. Tu sais, au début, c'est de l'intuition, mais à un moment donné, ton intuition est assez affinée que ça devient de l'intelligence pure, là. Mais pour moi, de l'esprit, c'est ça, c'est de l'intelligence. En premier lieu, c'est de l'intelligence, puis à un moment donné, ça va être d'autres choses. Ça va être ce que tu vas faire avec. Tu sais, pour moi, de l'esprit, c'est pas mal de l'éther. C'est à partir de ça que la forme se fait et non à partir des formes que tu comprends l'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben en fait, c'est le principe source qui va manifester des formes. Oui, exactement, c'est ça, l'éther. Tu sais, pour moi, l'éther, c'est de l'hydrogène, c'est la matière première, la matière première, on va utiliser le mot matière première, mais c'est pas ça que c'est vraiment, tu sais. Non, parce que c'est pas de la matérialité dans le Exact. sens physique, mais ça a une forme de réalité énergétique. Donc, on peut peut-être dire que tu me diras ce que tu en penses, mais que le plan éthérique est en réalité le nom manifeste que sous-entend la réalité physique manifeste. Ouais, c'est ça, dans un sens. Mais moi, je verrais ça comme le plan éthérique, je le vois comme un support pour l'esprit dans un sens. OK. Parce que, tu sais, le double éthérique, c'est surtout le corps de lumière, mais l'esprit, c'est ce que le corps de lumière véhicule dans un sens, tu sais. Fait que l'éther, si tu y donnes, si tu vis à partir d'un vide, c'est à partir de là que l'esprit peut reprendre les rênes. C'est là qu'il faut faire attention parce que l'esprit peut, le jeu de l'esprit peut être dangereux parce que là, l'esprit peut te charrier un peu partout. Moi, j'ai des amis qui ils me disent qu'ils vivent des affaires horribles, genre qui se laissent mettre dans des maladies puis des affaires. Puis là, qui me disent, ben, c'est mon esprit qui me teste, c'est mon esprit qui me teste. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir que tu t'assoies à table avec ton esprit puis que tu lui dises, hey, wow, minute, là, moi, j'ai pas besoin de ça pour comprendre, j'ai pas besoin de ça pour évoluer. Puis c'est ce jour-là que tu vas avoir une autorité sur les plans, justement. Exactement, parce que ça prend une force de contestation inversement proportionnelle à la puissance de l'énergie de l'esprit pour être capable de s'affranchir de l'état possession qui peut être générique, le contact avec l'esprit, parce que C'est quelqu'un ça. qui entre en contact avec cette énergie-là, ça peut être euphorisant, là. Donc, ça peut amener un état de possession. Et c'est sûr que l'ego, la façon que je vois ça, est appelé à développer une capacité de volonté inversement proportionnelle à celle de sa contrepartie cosmique pour, dans le fond, arriver à un point d'équilibre, une horizontalisation de la relation, de son rapport à l'invisible d'une manière absolue. Exactement, parce que sans ça, il se fait relativiser par l'esprit. Il faut faire attention, hein, parce que de l'esprit, tu sais, il y a toujours eu de l'esprit dans l'humanité, là, mais il n'était pas connecté à la source comme qu'il l'est depuis un certain temps. Moi, je dirais, on dit 69 ou 54, pas important, là, c'est des formes, ça, là, mais Oui. tu sais. L'important, c'est pas nécessairement juste d'être connecté à son esprit parce que ton esprit, c'est de l'intelligence pure, hein? C'est frette de l'éther, ça manque de chaleur. Faut atteindre ce froid-là pour éventuellement aller vers une intelligence qui a du cœur, c'est-à-dire une esthétisme tellement grand que ça fait avancer le plan matériel, mais en même temps, pas au détriment des autres qui t'entourent, genre. D'où l'intégration du principe de l'amour. Exactement, exactement. La première trinité. Oui, ben c'est ça, la volonté, l'amour, l'intelligence, là, VA, la voix. Donc, c'est sûr que c'est fondamental, mais la façon que je le vois, c'est qu'au niveau de l'esprit même, il peut y avoir un amour de type foi qui existe, mais c'est un amour tant aussi longtemps qui n'est pas mis en synergie avec la conscience d'un individu qui intègre le processus de la fusion, qui ne peut pas avoir une empathie réelle par rapport à l'être humain, étant donné que c'est l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme qui permet d'équilibrer le rapport entre l'esprit qui est sur le plan éthérique, puis le rapport entre les êtres humains sur le plan physique d'une manière adéquate. C'est ça. Puis, tu sais, comme l'esprit, là, tu sais, dans un sens, c'est l'énergie qui génère la matière. Oui. Puis dans le fond, depuis, tu sais, on dit, ah, je vais te faire souffrir pour évoluer. Ça, c'est de l'esprit, mais c'est de l'esprit qui sert de l'astral pour se nourrir de l'homme et non le contraire. Tu sais, à un moment donné, quand tu te Bien, connectes à la source. c'est ça, à ce niveau-là, ce que je dirais, l'idée de faire souffrir, pour moi, l'esprit réel n'a pas une volonté de faire souffrir l'être humain Mais explicitement. non. Par contre, la nuance est subtile, c'est qu'il veut que l'être humain évolue et indirectement, comme conséquence, comme symptôme de ça peut occasionner de la souffrance, mais fondamentalement, la volonté de l'esprit. Le double de l'être humain, là, pas d'entité Ouais. astrale, c'est pas de faire Moi, c'est ça. souffrir. Il y a pas de sadisme ou de masochisme. Ah, ben non, ben non. C'est ça. Ça, c'est au niveau astral. Mais la façon que je comprends, ce qui est subtil dans le processus, c'est un petit peu comme, mettons, tu prends quelqu'un, tu veux l'amener à devenir avec une grande force de volonté, puis il faut qu'il fasse il faut qu'il y ait des événements qui l'amènent à développer ça. Mais le but, c'est pas qu'il souffre, c'est qu'il développe la volonté. Exact. Mais le danger, c'est de confondre le moyen puis la finalité. Exact. Sauf Donc, qu'à un moment donné, moi, oui. ce qui m'a beaucoup aidé, là, au début, j'avais beaucoup de misère à intégrer les principes, tout ça, puis l'esprit, il a dû me faire passer par certaines souffrances, par certains abandons. Puis à un moment donné, là, je me suis levé debout, puis j'ai dit, OK, c'est assez, là. Là, j'ai pas besoin, c'est pas intelligent que j'ai besoin de souffrir pour vouloir évoluer. Là, je veux comprendre l'intelligence d'évoluer. Je veux que tu m'expliques intelligemment les affaires que j'ai besoin de comprendre sans que j'aie à souffrir. Puis depuis ce jour-là, ça m'a permis d'être tellement détaché de mon événementiel que je vis plus Ben oui, je vis des expériences, mais je suis plus assujetti à l'expérience pour apprendre. J'observe l'expérience avec un total détachement, puis on dirait que tout ce que j'ai besoin de savoir tout le temps, je le sais. Ben, c'est intéressant. Puis simultanément, si tu passes moins à travers l'expérience, j'imagine que l'esprit doit plus passer à travers la communication interne. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est que je me rends. Il y a une game de l'esprit là, que je trouve vraiment hot, là, c'est que l'esprit, elle passe par l'âme un peu pas. Moi, je vois l'âme comme si c'était le... Tu sais, là, on parle dans les religions, ils parlaient de je suis le potier, l'argile et le potier en même temps. Ben, l'âme, c'est comme le. Moi, je vois l'âme comme si c'était la poterie, la plastine. Puis l'esprit, c'est celui qui modèle la plastine tout le temps, comme. C'est de la même. Puis je me rends compte que quand tu donnes l'opportunité à l'esprit de venir jouer dans ta plastique. Attends une minute, je veux former ça comme du monde, c'est intéressant. Quand tu donnes aucune. Quand tu t'attaches pas au résultat de l'argile ou de la plastine, puis que tu es tout le temps prêt à la remodeler, ben, tu commences à comprendre la substance de la plastine, puis tu commences à comprendre les mécaniques de la plastine, puis à un moment donné, ben, tu deviens plus celui qui. Tu deviens plus l'esprit que l'âme, dans le fond, au lieu d'être tout le temps maître de ta vie, puis c'est là que tu peux rentrer avec l'esprit, puis tu dis, hey, je veux comprendre ça, fait qu'envoie-moi donc ça, puis moi, je veux être capable d'accomplir de l'évolution, fait qu'envoie-moi ça, parce que je vais être plus en mesure de vivre ça. Ça devient un échange intelligent, au lieu d'être juste un serviteur, tu deviens un serveur, genre, dans le fond. Ben, c'est-à-dire que le rapport est plus équilibré. Ouais. C'est une conversation transparente avec l'esprit plutôt que le subir inconsciemment puis ne de pas savoir qu'il existe. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, l'ego puis l'esprit, il y a une unification, ce qui fait en sorte que l'ego comprend l'intelligence de l'esprit à travers un peu comme la personne qui va modeler à partir du plâtre, là, il va créer des formes, il va modifier, il va altérer. Il va réaliser à la fois l'intelligence du créateur et de la créature qui sont en état d'unisson. C'est ça. Tu sais, comme exemple, là, moi, ce que je trouve cool, là, c'est que quand tu as compris la game de l'astral, tu te rends compte que oui, l'astral, il est dangereux pour l'homme qui est assujetti à ses croyances. Tandis que quand que tu deviens plus dans ton esprit que dans ton âme, tu peux te servir des formes pour avancer dans un jeu. C'est comme un jeu vidéo. Mettons, moi, là, Oui. mettons, je veux vivre de quoi, OK? Je veux vivre une aventure, le fun. Je veux partir dans la forêt, puis je veux être capable de rentrer en contact, mettons, je veux aller vivre des affaires le fun, OK? Oui. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je vais amener des chips, de la liqueur? Des chips, de la liqueur, des affaires qui vont faire que je vais aller m'écraser dans le bois? Des affaires qui énergétiquement représentent des affaires de paresse? Ou je vais amener, par exemple, je veux dire, une hache pour pouvoir couper du bois, puis plein d'instruments qui vont me permettre de vivre des aventures le fun. Qu'est-ce que je veux manifester? Je vais utiliser des objets qui vont me permettre de manifester des affaires qui vont être pro-évolutives ou anti-évolutives. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien, à travers la sélection des formes, c'est Ouais, c'est ce qui ça. va permettre de déterminer qu'est-ce que tu vas être capable de manifester concrètement dans le cadre d'une vie en forêt. Exactement. C'est comme. Moi, j'aime bien l'analogie du jeu vidéo, hein, parce que je trouve que ça ressemble bien plus à un jeu vidéo aussi qu'à une matrice. Exemple, là, ben, les deux, là, tu sais, c'est sûr que c'est bien plus complexe que toutes les formes qu'on peut mettre dessus, mais en même temps, c'est super simple. Imagine, mettons, là, moi, là, demain matin, j'ai une entrevue avec un boss. Là, il faut que je prenne soin de mon onde de forme. Faut que j'aille. Faut que j'ai, faut que... Moi, je sais que si j'utilise mon esprit pour faire des jeux d'impression dans la personne, là, je parle pas de manipuler les autres, mais surtout de me manipuler moi. Mettons, je veux. Elle demandait une augmentation à mon boss. Mais je le sais que si je m'habille tout croche, puis que je m'habille en jeune yo, puis j'arrive devant mon boss, puis je dis « Hey, man! Là, j'aimerais bien ça, moi, que tu me donnes plus d'argent, parce que là, il faut que je sorte ma femme, puis là. » Mais c'est là que l'esprit rentre en game. Tu sais, tu t'habilles, tu te mets une belle petite chemise, puis là, je te parle pas de « Ah, oh, c'est important de bien s'habiller, ou non, mais c'est juste pour aller jouer avec la forme. Tu te mets une chemise, tu t'habilles sur ton. Tu t'habilles ton onde de forme pour être capable de faire une bonne impression, Oui, comme bien là, qu'on tu dit. joues avec les lois des pressions Exactement, c'est ça. d'une manière stratégique pour tirer le jeu à ton Exactement. avantage. Exactement. Parce qu'à un moment donné, c'est niaiseux de pas s'en servir quand tu les connais, ces lois-là, là. Ben, ça peut être utile si tu as la vibration d'aller sur ce terrain-là, c'est sûr. Oui, mais juste le fait de, exemple, revêtir une onde de forme, Oh oui. ça peut te permettre de développer les capacités à l'intérieur de toi de la forme que tu revêtes. Exemple, là, Certainement paraître ce que tu veux être. tu sais, comme moi, là, au début, j'avais comme intention, moi, j'aime bien les mangas, Dragon Ball, ces affaires-là, fait que je me suis acheté un suit de Sengoku, puis je suis allé me promener en ville avec ce suit-là pour être capable de battre ma peur du ridicule. Sauf que moi, je connaissais pas ces lois-là au début, là. Ben moi, j'ai demandé à les connaître, les Christie de loi. Fait qu'à un moment donné, c'est drôle parce que plus que je m'habille en Sengoku, plus je me rends compte que j'ai envie de m'entraîner, que j'ai envie Ben, de. Que j'ai Sengoku, en... pour le décrire, là, pour les gens qui nous écoutent, ils connaissent OK. rien des mangas, c'est quoi? Ben, c'est un gars qui. C'est un extra, dans le fond, c'est un extraterrestre qui est arrivé sur la Terre, qui a oublié qu'il est devenu un extraterrestre. Petit clin d'œil à l'énergie supramentale, selon moi. Puis, à un moment donné, il devient fort, il s'entraîne, il se met à aider la Terre, puis il fait comme un pont entre le ciel, entre le monde de la Terre puis les forces du ciel, mais c'est bien personnalisé, l'énergie supramentale, je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est un personnage qui est bien comique, puis qui a de la force, puis qui est tout le temps en train de s'entraîner, qui est brave, puis on dirait que plus que j'habille cette onde de forme-là, plus que je revêtis les qualités que je désire aller chercher chez ce personnage-là. Puis en plus, ça marche parce que chaque fois que le monde me... que je vois des jeunes, ils connaissent ça, tu sais, puis ils disent, hey, c'est Sangoku. Fait que ça me met à chaque fois qu'ils disent le mot Sangoku. Ben dans l'astral, ça me met en vibration avec l'égrégore Sangoku, puis ça me permet de me nourrir de ce que j'ai besoin d'aller chercher là. Parce que je suis pas assujetti à la forme Sangoku. Non, exactement. C'est sûr que tu peux utiliser stratégiquement la forme, c'est clair. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, au niveau que ce soit le plan astral ou même le plan supramental, ils vont manipuler les êtres humains à travers des formes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que à quelque part, à un moment donné, il y a un adage qui dit qu'il faut être capable de manipuler nos manipulateurs. Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce que là, ça c'est le retour, c'est le rapport de force avec l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une manipulation unilatérale de l'esprit vers l'être humain, c'est qu'éventuellement l'être humain, lorsqu'il monte en vibration, en autorité, en intelligence, ben, il devient capable de manipuler l'esprit qui autrefois le manipulait. C'est ça devient comme un échange. Moi, Exactement, oui. je sers ton foutu plan d'évolution, puis toi, en échange, ben, tu me permets d'avoir ça dans matière, puis de vivre bien, puis d'être capable d'en profiter, puis d'avoir du fun à travers ça. Parce que moi, je vois pas juste l'évolution comme... tu sais, je vois que les gens écrivent beaucoup de livres, puis... Ben, moi, j'ai envie d'accomplir des affaires, tu sais. On dit que tout est possible. Ben, moi, je veux le montrer, tu sais. C'est comment que je veux dire? J'ai pas d'attente, puis d'ambition par rapport à ça. Je me dis que si ça doit... Oui, ça va arriver, mais moi, je me sens capable de faire des affaires phénoménales parce que j'ai compris beaucoup de choses dans l'espace de 6 mois, tu sais. Oui, mais en même temps, il faut faire attention pour pas être trop enthousiaste. Non, non, c'est ça. Je prends mon Ouais. temps puis je fais confiance à l'énergie qui va m'arriver ce que j'ai besoin de vivre de toute façon. Ouais, exactement. Mais c'est sûr que, dans le fond, l'un des pièges, ça peut être de tomber dans la bravade. En Dans le bravade. sens que de vouloir prendre des risques inutiles puis défier les plans. Ah, ben non, ben non, ben non. Moi, je veux travailler. Moi, je trouve que ça sert à rien d'aller péter des. Dans le fond, tout ce qui est dans l'astral, à un moment donné, ça va s'incarner parce que c'est de l'homme mort, tu sais. Ça sert à quoi d'aller voir une forme puis d'y envoyer tellement d'âme qu'à un moment donné, ça va s'incarner dans un humain, ça, puis ça va être un humain qui va être full tendu, qui va être full Ben, rebellé contre ça lui-même, qui dépend. va Ça, être. c'est un autre sujet qui pourrait être à débat, dans le sens Ouais. que sur le plan astral, il y a présentement des âmes qui sont en suspension d'activité qui, en effet, vont se réincarner, mais ça se peut qu'il y en a qui soient récalcitrantes à se réincarner, étant donné qu'elles sont très orgueilleuses puis elles pensent être au sommet de la réalisation. Ce qui fait en sorte qu'éventuellement, il y aura des nouveaux initiés qui seront appelés à faire le ménage de l'astral. De ce que je capte, c'est que il y a des âmes qui vont être dématérialisées car ne pouvant pas être réhabilitables après plusieurs, dans certains cas, plusieurs essais ou tentatives. Intéressant, ça. Ben, c'est un petit peu comme sur Terre. Tu sais, sur Terre, il y a le phénomène de la réhabilitation dans les prisons. Donc, il y a des gens Ouais. qui commettent des crimes, s'en vont en prison une fois, puis ensuite font un processus de réhabilitation, puis ils ne refont plus de crimes. Mais il y en a d'autres que c'est des multirécidivistes. Puis il y en a que même après 17 fois qui commettent des crimes, sont pas plus réhabilitables. Fait qu'à un moment donné, il y a nos voisins du Sud qui ont pensé à la peine de mort pour les gens qui sont pas capables d'être réhabilités à plusieurs essais. Ben, regarde, la personne n'a plus à figurer sur ce plan-là. Ouais, mais mettons là, que ces hommes-là, là, dans un point de vue d'un point de vue unidimensionnel, d'un point de vue linéaire du temps, sont morts. Mais dans un point de vue multidimensionnel où tout se passe pas mal en même temps, Oui. Il y a quelqu'un qui va grandir en conscience à quelque part dans le temps, qui va être relié à ces hommes-là, puis qui va un moment donné être capable d'aller se chercher dans le temps, puis d'être capable de modifier cet homme-là avant qu'elle devienne trop fucked up, parce qu'il va être capable d'y expliquer les mécaniques à son niveau. C'est ça la job, Oui, c'est mais d'aller le encore là, c'est chercher. délicat, parce que après tout, Bernard de Ah oui, Montréal parlait du cas d'âmes qui, en dernier recours, là, c'est. était détruite. Donc, OK. c'est sûr que ça créait des chocs par rapport aux entités là, du plan éthérique, parce que c'était comme un échec d'une partie de la création. Mais ça, c'est vraiment le dernier recours, c'est à l'extrême. Mais en lien avec ce que tu dis, en effet, il y a des âmes qui vont intervenir pour ajuster d'autres âmes. Puis il y a C'est des ça. évolutions simultanées et parallèles qui s'effectuent au bénéfice de certaines autres âmes. Puis il y a des transferts d'énergie, un peu comme nous autres, on fait des transferts de fichiers informatiques entre nous qui permet une multiplication de la connaissance ou de l'accès au savoir, comme avec un réseau Ah, c'est ça. Internet. Donc c'est sûr qu'au même niveau, en effet, il y a des phénomènes de synergie qui peuvent favoriser l'accélération d'âmes sur le plan astral ou en position d'incarnation. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe des cas d'irréductibles. Âmes qui, par rapport à l'intégration de l'énergie supramentale, veulent rien savoir, puis c'est ainsi, là. Parce qu'ils ont vécu trop de chocs durant l'incarnation, c'est très comprenable. C'est ça, mais c'est complexe, là. C'est sûr que s'il y a des failles d'incarnation qui sont présentes dans le corps de plusieurs incarnations, puis l'âme a plusieurs opportunités de se réajuster, puis elle comprend pas, puis elle comprend pas. S'échelonnant sur plusieurs vies, à un moment donné, je veux dire, le tour aura été fait, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ils n'auront pas le choix de réécrire ça au début de la game, puis ils vont être obligés de refaire un autre game ou quelque chose de même, là. C'est impossible que. Parce que, tu sais, tout. Tu sais, il y a de l'énergie à quelque part en arrière de cet Oui, homme-là, puis cette ben énergie-là rien ne va. se perd, rien qui se crée, tout se transforme, comme disait Ouais, c'est Loiselier, ça. là, donc c'est un principe de physique de base, c'est-à-dire que l'énergie universelle qui a servi à constituer l'âme est retournée au cosmos, puis à Ouais, c'est partir de cette ça. énergie-là, on peut créer d'autres énergies, au même titre que les atomes du corps physique, lorsque l'individu décède, sont dissous, puis à partir de ces atomes-là, d'autres Ouais, c'est organismes ça. vivants évoluant sur le plan physique peuvent être constitués. Exactement, c'est exactement ça. C'est bien, hein? On capte les mêmes choses. Je ne sais pas si les Ouais. gens qui nous écoutent vont être capables de suivre à mesure, mais Ah, c'est pas grave. nous autres, en tout cas, on est capables de se comprendre. Puis je sens vibratoirement que je commence à donner l'explication, puis tu l'as déjà compris, mais des fois, je la dis pareil pour que les gens qui écoutent l'enregistrement puissent comprendre. Je voulais Ouais, c'est juste ça. rajouter ça, Yannick, là. Ouais. Fait qu'il faut tout. C'est bien cool, je vibre en tout cas, ça c'est sûr. Bon, ben, c'est excellent, mais en fait, le principe, quand que je communique, puis toi aussi, c'est de penser qu'on parle ensemble, mais on parle en même temps par rapport à des gens qui vont écouter l'enregistrement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous apparaître comme étant évidentes, mais des fois, il vaut mieux finir pareil la phrase Ah ben oui. pour les gens du public qui nous écoutent, même si nous autres, spontanément, on a pu capter vibratoirement la même chose. C'est ça, exactement ça. Ah, c'est bien intéressant que tu dises ça comme ça. Exactement. Donc, je t'ai amené un peu à parler de l'esprit. À présent, si je t'amène à parler de l'ego. OK, monsieur Lego. Pour moi, le Lego, là, c'est surtout les corps inférieurs, c'est-à-dire la conscience animale. Puis qu'est-ce que je veux dire par animal, là? Je veux pas dire un chien dans une cage. Mais ultimement, peut-être. Mais. Là, je ne veux pas me perdre là-dedans. Pour moi, animal, ça vient du mot anima qui veut dire âme. Fait que tout ce qui est animé, c'est-à-dire c'est l'esprit qui est une fois dans la forme qui vient l'animer. C'est la forme animée parce que l'esprit, c'est l'animeur. Il y a l'animateur, puis il y a l'animé. Ben, l'âme, c'est l'animé. C'est un dessin animé dans un sens. Puis l'ego, il est constitué d'un maudit paquet de mémoires qui sont orchestrées par l'esprit dans le but d'amener un individu à comprendre des affaires. Sauf que là, l'ego, il est tellement assujetti à ses mémoires, il est tellement sûr de son affaire qu'il ne sait pas qu'en arrière de ces mémoires-là, il sait bien plus d'affaires. Fait qu'il lutte, il a peur, il réagit à son énergie, il essaye de polariser son énergie. Exemple, il vit quelque chose, au lieu de comprendre que cet événement-là, il vit pour ça, ou pour comprendre ça, ou parce que karmiquement, il y a ça, ben. L'ego, lui, à cause qu'il y a une mémoire en l'an 1700, puis en l'an 1300, puis en l'an 1200, que ça fait mal, ben ça fait mal. Oui, parce qu'il reste attaché à la mémoire, c'est-à-dire Ouais. soumis à l'attachement à la forme de la mémoire au lieu de lâcher prise par rapport à elle. ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, l'incarnation, ça se passe pas, tu te réincarnes pas linéairement dans un temps, puis dans un autre, puis dans un autre. Tu te réincarnes partout en même temps, mais multidimensionnellement. Fait que c'est normal que si tu vis un événement, puis que tu n'es pas conscient de cette loi-là, ben sûrement que dans plein d'autres temps en même temps, tu vis cet événement-là, puis c'est ce qui fait que tu peux avoir une résistance, parce que toutes les autres morts dans ta tête qui vivent ça en même temps que toi, mais qui sont morts dans ta point de vue linéaire de l'astral, ben ces gens-là, ils te contrôlent, puis ils te manipulent, puis c'est ça, mais c'est parce que vous êtes un paquet d'individus qui vivent la même affaire en même temps, tu sais. Oui, exactement. Mais en même temps, il faut que la personne ait suffisamment de volonté pour pas se laisser manipuler, quand même qu'il y ait une liaison psychique avec des milliers de moi parallèles. C'est ça. Mais dans un sens, si on le prend au niveau de la physique quantique, il n'existe qu'une seule réalité, un seul champ quantique. Donc, il existe seulement une énergie dans l'univers, une seule conscience, mais avec des coefficients d'individuation multiples. Exactement, des spectres d'observation, c'est ça, C'est ça, exactement. Fait qu'en réalité, on peut dire qu'il existe seulement un être dans le cosmos, mais on a l'impression qu'il y en a plusieurs parce que l'être est fragmenté. Mais dans le sens absolu, il n'y a pas de séparation puis de division. La Exactement. preuve, entre deux personnes à distance, une même pensée peut être acheminée simultanément par-delà les distances. Donc, s'il y a une séparation absolue, le type de phénomène qu'est la télépathie serait impossible. C'est ça. Moi, je suis fermement, mais pas convaincu, là, mais je le sais, tu sais, je le sais, que je suis pas vraiment ce corps physique-là en train de. Que je suis pas le corps physique que je charrie à tous les jours, puis que je suis de l'énergie immobile qui fait l'expérience de ce corps physique-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement. En réalité, moi, ce que je te dirais, c'est que nous sommes les deux, c'est-à-dire à la fois Ouais, le c'est corps ça. physique puis l'énergie qui s'observe à travers le corps. Donc, on est l'observateur observé. Ouais, c'est ça. Dans un sens, ouais. Puis à un moment donné, tu te détaches beaucoup de l'observation, puis tu peux aller te promener. Exactement. Quoique, dans le fond, l'observation te donne la possibilité de te déplacer sans bouger dans un sens. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est bon ce que tu dis. Ben, c'est subtil, hein? Quand on étudie la physique quantique, entre autres, on apprend que le simple fait d'observer des particules permet d'agir dessus. Exact. Donc, si on observe le monde, implicitement, on agit sur le monde parce que tout est interrelié. Puis, par exemple, le simple fait de regarder une expérience peut interférer sur son résultat. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les particules, ils réagissent pas seulement à l'observation, mais à la vibration que tu leur envoies, comme exemple, les gens qui parlent aux plantes. Mais ça, je me dis que ça marche sur mon corps physique. C'est ça qu'on appelle l'ajustement par la parole. Dans le fond, quand tu parles à ton corps physique, tu parles à tes cellules, tu parles à tout ton contingent d'individus. Puis, si tu es l'être humain qui entend ça en ce moment, ça veut dire que tu es la conscience présentement qui doit agir sur tout. Ça veut dire que tu es la plus forte, tu es le dénominateur pensant ou le dénominateur puissant qui régit toute la mécanique des 50 000 individus qui agissent en même temps, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas toi qui es dépendant de eux, mais eux qui sont dépendants de toi ou qui sont interreliés à toi parce que c'est la même affaire, Mais dans moi, le je fond. ferais une nuance, parce que tout est Ah, vas-y. interrelié, puis pour moi, il y a des influences qui vont dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Dans le sens que ton état physique peut avoir une incidence sur ta pensée, tes émotions. Les émotions peuvent avoir une incidence sur ta pensée, puis le corps physique, et la pensée peut avoir une incidence sur les émotions, puis le corps physique. Dans le sens que c'est sûr que, par exemple, au niveau du corps physique, tu sais, sans que tu l'aies recherché, tu fais, par exemple, je sais pas, moi, tu as la grippe. Bon, ben, le fait d'avoir la grippe, d'être malade, ben, ça peut avoir un impact sur sur ta pensée, ton état émotionnel. Tu sais, il y a des gens qui peuvent vivre de la peur, là, c'est sûr, en période de coronavirus, avoir des symptômes grippaux, ça devient encore plus épeurant. Donc, pour moi, tout est interrelié, fait que je dirais pas que nécessairement la conscience a une interférence unilatérale avec les particules qui constituent le corps biologique, au même titre que, par exemple, le fait d'observer le monde en tant qu'observateur ne nous dispense pas du fait que les gens qui nous observent ont un impact sur nous, parce que l'univers est une co-création entre observateurs multiples qui constituent le cosmos. Donc, ils sont à la fois constitués par les autres, mais ils constituent également les autres de par le regard qu'ils portent sur le réel. Mais moi, le point que je voulais amener par rapport à ça, c'était, Oui, je me suis un peu éparpillé, là. y a pas de Mais souci. c'est exemple, là, moi, je vis, là, puis j'ai l'impression, là, je ne parle pas de moi, là, je suis objectif. Mais exemple, moi, là, j'ai beaucoup de misère avec mon corps physique, j'apprécie pas mon enveloppe, etc., etc. Mais à toutes les fois que je me regarde dans le miroir, tout ce que je me dis, c'est je suis laid. Mais c'est sûr que là, les particules qui changent à l'observation, ils sont polarisés. L'observation est polarisée par déjà mon appréciation, tandis que si je me sers de mon verbe, de mon feu, pour aller dire à mes cellules que je suis beau, puis que je suis ci, puis que je suis ça, ben déjà là, ça va entretenir mes cellules, puis ça va entretenir mon enveloppe à Exact. déjà avoir plus le goût d'être entretenu par mon verbe que, exemple, celui qui va juste se trouver laid, puis ça va te motiver dans un sens, c'est ça que je veux dire. Oui, en effet, c'est très sain de faire ça. C'est sûr que, dans le fond, la personne, à travers sa volonté, communique de l'énergie, une vibration au corps. Un peu comme le disait le docteur Imoto, qui a fait des recherches avec les cristaux d'eau. Ouais, exactement ça, c'est exactement ça. Donc, si on part du principe que le corps humain est constitué essentiellement d'eau, donc Exact. à ce moment-là, l'impact que peut avoir notre pensée sur le corps biologique constitué essentiellement d'eau, c'est très grand, là. Ce qui est important, c'est, tu sais, le truc que je trouve qui manquait dans les études de M. Emoto, c'est pas nécessairement les mots que tu vas dire, mais c'est la vibration derrière ton mot. Parce que moi, je pourrais, exemple, là, je pourrais envoyer chier quelqu'un avec le sourire, puis c'est mon ami, Non, c'est il ça, m'en ressent. l'état d'être derrière le mot, la vibration C'est derrière ça, la forme, c'est ce qui est exactement. fondamental, en effet. Je suis 100% d'accord avec toi parce que quelqu'un peut dire je m'aime en murmurant ça du bout des lèvres, puis la personne est pas totalement présente lorsqu'elle fait ça. Non, c'est ça. Moi, je me rappelle quand j'avais pas d'estime de moi, j'avais beau me dire que je me mets dans le miroir, j'avais pas de vibration, je le sentais pas, fait que ça marchait pas. Tu sais, c'est bien beau la manipulation, mais je n'étais pas capable de manipuler à ce point-là dans le temps. Tu sais, Ben, il y a des limites, en effet, à l'auto-persuasion. c'est ça. Par contre, c'est sûr que si, dans le fond, avec une grande intensité énergétique, tu es dans Une l'affirmation, volonté, ouais. c'est ça, de la volonté, à ce moment-là, la vibration va passer à travers ton verbe. Les deux vont être Exact. unifiés et Exact. la parole va traduire avec congruence et clarté Exactement ça. l'intentionnalité réelle qui est dans ta conscience. Exactement, mais c'est sûr qu'en effet, au niveau de la programmation du corps biologique, les intentions, parce que moi j'aime entre autres là, t'sais, prononcer des éléments ou des phrases, là, t'sais, OK, ouais. comme à mettons, je m'installe dans la conscience et la lumière, ben il faut le faire avec une volonté qui est ferme dans ce sens-là, t'sais. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est que si tu mimétises, dans le fond, tu sais, exemple, là, je veux m'asseoir. Non, j'ai pas d'exemple qui me vient, en fait. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ça, mais c'est ça l'intention que peut avoir l'individu par rapport à son corps, par rapport à l'environnement, une incidence, parce qu'on est séparé de rien, puis tout est interrelié. Moi, ma compréhension de l'univers est systémique, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont influencer d'autres êtres à distance ou en personne, et Exact. on est le résultat d'un carrefour d'influences multiples. Exactement. Donc, c'est ça, je t'ai amené un peu à parler de l'ego, ensuite tantôt de l'esprit, puis la prochaine étape, je voulais t'amener à te prononcer sur l'âme. OK, ben pour moi, l'âme puis l'ego, ça se ressemble beaucoup, dans le sens que l'ego, c'est un peu comme celui qui subit l'âme. OK. Au début, l'ego, tu sais, l'ego, dans le fond, pour moi, c'est comment je peux dire ça? C'est l'instrument de toutes ces patentes-là, tu sais. C'est genre la partie visible de l'iceberg. Tandis que l'âme, ce serait comment je pourrais dire ça? Ah, c'est intéressant, c'est une bonne question, ça, l'âme. Pour moi, l'âme, ben c'est simple, c'est les mémoires, tu sais. C'est comme si mettons l'ego, c'est le véhicule, je dirais que l'âme, ce serait le conducteur, tandis que l'esprit. Non, ce serait pas le. Ouais, ce serait le conducteur, tandis que l'esprit, ce serait le gaz qu'il y a dans le char. Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais voir ça, mais tu sais, pour moi, l'âme, c'est clair. C'est juste que j'ai pas vraiment l'occasion de dire c'est quoi. Pour moi, c'est des mémoires. Ouais, des mémoires. Je pense qu'on peut pas. Ça sert à rien d'extrapoler là-dessus longtemps, mais c'est comme qu'on en revient à ce qu'on disait tantôt, c'est la plastine, tu sais. Ouais, j'aime bien celle-là, celle de la plastine. L'ego, c'est pas mal la plastine, puis l'esprit, c'est celui qui joue avec la plastine. Fait que c'est une bande mémorielle. Puis tant qu'il n'est pas tout le temps changé, ça devient comme de la ROM. Tandis que quand tu mets de l'esprit là-dedans, ça devient de la RAM, ça devient de la mémoire que tu peux manipuler à souhait, tu sais. Puis moi, je trouve ça intéressant d'être capable de vivre avec de l'esprit parce que à chaque fois, après ça, quand je referme, puis que j'arrive dans mon quotidien, puis que j'ai pas besoin d'esprit nécessairement, tu sais, je me sens dans une bonne vibration parce que j'ai réussi à suffisamment transmuter d'âme pour être capable d'après ça, d'être dans un environnement sain, puis de rayonner, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est intéressant parce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire, par exemple, par rapport à un ordinateur. Ouais. Donc, comme tu le faisais il y a quelques instants, donc c'est sûr que par rapport à l'ordinateur, de la mémoire par rapport aux logiciels qui sont entreposés sur l'ordinateur, donc différentes données. Mais cette mémoire-là, ça donne pas de l'espace pour faire des choses nouvelles. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ce que je peux rajouter, c'est que à quelque part, l'individu qui opère l'ordinateur, en ce qui me concerne, c'est l'esprit. L'ego, c'est vraiment, par exemple, le clavier de l'ordinateur là, sur lequel l'esprit va appuyer pour mettre en place des fonctions dans la matière ou Ah activer moi une j'aurais pu machine. dire que c'est l'écran. OK, vas-y. Parce que l'écran, c'est la partie visible de l'ordinateur. C'est qu'une fois que moi je dirais que l'âme, l'esprit, ce serait ouais, c'est ça, ce serait le gars qui joue en arrière de l'ordi. Tandis que l'ego, l'âme, ce serait toute la database de l'ordi. Puis l'ego, c'est l'ordi, c'est la partie visible de la database. Ouais, c'est ça. L'ego qui serait l'écran qui, en réalité, Une fois encrypté, ouais, c'est ça. L'écran, quand on regarde ça, c'est un espace de déploiement d'une réalité qui est plus limitée que celle qui est au-delà de la machine. c'est ça. Donc, qui est au-delà du plan physique. Donc, sinon, ben, c'est sûr que l'écran, ça peut refléter la réalité de l'esprit dans une réalité moindre. Au même titre que, par exemple, t'as un joueur qui va jouer un jeu vidéo, qui va avoir un avatar qu'on va voir à l'écran dans une réalité virtuelle. Ouais, c'est sûr. Donc, ça m'amène à te parler du film Avatar. Est-ce que tu l'avais vu? Le film avec les personnages bleus, puis cette réalité-là où ce que quelqu'un va opérer à distance un autre être. Dans une autre réalité, ça me fait penser beaucoup au rôle de l'esprit qui, du plan éthérique, va piloter, va influencer des êtres sur le plan physique pour en venir à l'exécution de programmation dans la matière. Donc, Deux secondes, juste OK. prendre un verre d'eau, là. OK. Ah, c'est correct. Finalement, depuis le début de l'entretien, je pense que tu as été quelquefois prendre des verres d'eau. Ouais, j'ai vraiment soif. OK. Bon, ben. L'énergie qui circule, hein? Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr que si on manifeste le feu de la parole, ça peut prendre de l'eau une fois de temps en temps pour pondérer ces Ouais, c'est ça. manifestations. Donc, qu'il y a un équilibre énergétique entre le feu et l'eau, parce que l'eau va neutraliser l'excès de feu. Ben, c'est surtout que c'est un conducteur d'énergie. L'eau, c'est un conducteur d'énergie, tu sais. Puis que le feu, c'est, tu sais, le feu, c'est de l'énergie, puis l'eau, c'est un conducteur d'énergie. Fait que les deux ensemble, là, ça va bien. Tu sais, on parle tout le temps du problème entre l'eau et le feu, mais dans le fond, si on regarde ça ésotériquement, ça s'aide pas mal, l'eau et le feu. Non, mais c'est ça. C'est sûr que si, par exemple, on prend le feu qui va chauffer de l'eau, il va lui transmettre la chaleur. Donc, il va altérer son état énergétique, son état vibratoire. Donc, il y a une transmission d'une vibration. Et par la suite, mais c'est sûr que le feu a pour fonction aussi de faire éclater des formes. Ouais, c'est Donc, ça. quand on fait brûler un objet de la matière, et la parole de feu sert à faire éclater les formes. Ouais, exactement, c'est ça. C'est totalement ça. Exactement. Donc, on a parlé de l'ego, de l'âme, de l'esprit. Donc, après ça, toi, est-ce que tu as une vision de l'être humain comme étant constitué de différents corps? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que l'être humain a un corps physique, émotionnel, intellectuel, un corps spirituel, un corps bouddhique, un corps cosmique. Comment tu vois ça? Ben moi, présentement, je travaille surtout avec les quatre premiers corps parce que c'est sûr que je comprends mieux, tu sais. T'as le corps physique. qui est le corps, on sait c'est quoi un corps physique, là. Je pense qu'on n'a pas besoin je pense que n'importe quel bon livre de physique peut nous expliquer c'est quoi un bon, un livre d'anatomie, dans le fond, n'importe qui pourrait nous expliquer c'est quoi un corps physique. Le corps éthérique, ce serait la partie invisible ou plutôt l'autre, le verso des choses de la partie physique, c'est-à-dire l'énergie qui anime ce corps. Autrement dit, l'âme à son état pur, ça veut dire sans mémoire. Après ça, tu aurais la partie astrale, qui serait la psychologie de l'individu. Parce que moi, j'aime bien le mot astral, mais j'aime bien pour les gens, pour que tout le monde puisse nous suivre, comprendre que c'est ce qui est psychologique. Parce que psycho, c'est un terme pour l'astral, puis logique, ça veut dire la logique des mémoires, donc la logique émotionnelle. Tandis que le corps mental, pour moi, comment je vois ça, c'est que je vois ça comme une membrane qui entoure l'astral de la personne, puis qui permet d'aller chercher les formes que tu as besoin. C'est ce qui traite les pensées, autrement dit. Fait que quand tu réussis à sortir de ton astral, puis tes désirs, puis à t'en venir mental un peu plus, c'est comme dans la série Dune, si on veut, tu sais, le manta qui est capable de. Qui devient drette, puis qui est capable d'aller chercher les informations qu'il a besoin tout le temps, tu sais. Oui, dans le sens qu'un accès immédiat à la connaissance. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait avec un travail parce qu'au début, tu as le corps mental, le corps mental naissant qui est le corps, qui est l'intellect, qui est être capable de lire de l'information puis de la retenir. Sauf qu'à un moment donné, tu es capable, avec le temps, d'associer ton cerveau gauche puis ton cerveau droit, ta paire dans le ciel, c'est-à-dire ton cerveau, ta paire. Moi, j'appelle ça la paire dans le ciel, j'appelle ça le cerveau gauche, le cerveau droit, c'est la paire, le ciel, c'est l'astral. Ça vient du nazaréen, tu sais. Puis pour moi, quand tu es capable d'avoir une alliance avec ces deux-là, ça crée comme le troisième cerveau, c'est-à-dire un courant qui passe bien. Puis c'est à ça que la job de Bernard, puis Daniel Kemp, puis même ce qu'on fait nous présentement, c'est à ça que ça sert, tu sais, c'est que ça crée des ponts entre ton imaginaire que tu croyais impossible, puis ton côté rationnel. Donc, autrement dit, avec le temps, tu développes une intuition intelligente, puis une intelligence intuitive, donc une intelligence pure. Oui, Donc, mais ton c'est intellect atteindre se un point transforme en mental. de psychosynthèse. Donc, Ouais, au c'est lieu ça. qu'il y ait des éléments distincts dans la psyché de l'individu, tout était unifié, harmonisé à une masse unique d'énergie. Exact. Puis là, m'emmener quand t'as un mental qui est bien mental, ça, c'est le prochain piège, parce que là, tu peux rationaliser tout, puis tout, puis tout, puis tout, puis tout. Moi, je le sais, là, puis là, t'es capable de backer tout ce que tu dis. Fait que t'es capable de te rationaliser tellement fort, puis là, ça, c'est le piège le plus dangereux de l'être humain, parce que quand que tu tombes dans le rationnel, ben tu fermes à du neuf, tu sais. Puis l'énergie supramentale, c'est le neuf, selon moi, qui descend dans le corps, dans la psyché humaine, l'esprit, dans le fond. Oui, certainement. Mais c'est sûr que le piège, c'est l'orgueil de la connaissance. C'est ça, Donc, exactement. quelqu'un qui accumule beaucoup d'informations, qui devient une encyclopédie vivante, puis sans puissance à partir de ça, puis se définit à partir de ça, ben c'est sûr que s'il devient trop attaché à ses livres et s'occupe tout l'espace de sa psyché, ben il n'y a pas de place pour que la nouveauté puisse entrer dans sa vie. C'est ça. Donc, il n'y a pas. Puis, Oui, c'est ça, vas-y. là on a compris les quatre corps, ça veut dire les corps planétaires, t'sais. Puis là, après ça, si on appelle. Moi, je vais beaucoup avec le. Tu sais, vu que j'ai appris beaucoup avec Daniel Kemp, moi, j'y vais avec le corps supramental, qui serait aujourd'hui, dans la nouvelle appellation, on l'appellerait le corps surmental. Tu as le corps supramental qui serait le corps bouddhique. C'est-à-dire, puis le corps bouddhique, c'est ce qui comprendrait, selon ce qu'il disait, tu sais, le corps bouddhique, c'est la lèvre de l'amour, clairement, tu sais, parce que c'est celui qui comprend toute l'astral au complet, fait qu'il est proche de l'être humain, qui comprend l'être humain parce qu'il comprend toute la mécanique. Tandis que le corps surmental, c'est de l'esprit pur. Fait que quand tu amènes du cœur dans l'esprit, tu es connecté à la source. La source, c'est ce qui permet de faire rayonner toute la patente. C'est ça? Si je me trompe bien? Si je me trompe bien. Si je me trompe Oh, pas. mais Lapsus en fait, révélateur. comment dire, le fait de se tromper ou de pas se tromper, c'est des formes, tu sais. Non, c'est ça, c'est des formes. Mais en réalité, c'est sûr que dans le sens de ton propos, j'abonde pour dire que la source est à la base de tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je t'ai posé la question pour avoir ta perception des corps, mais tu sais, j'ai interviewé aux gens un paquet de personnes, puis Tu as une perception toute différente, c'est j'imagine. ça, exactement, c'est très variable par rapport à la nature des corps, de la définition Non, c'est aussi ça. des concepts, comment ils conceptualisent. Donc, pour moi, l'important, c'est que la personne soit à l'aise dans ce qu'elle dit et que ça fasse écho à son vécu, son expérience. Ouais, c'est ça. C'est plus ça qui va me rejoindre. Lorsque tu le parles, moi, je te sens sincère là-dedans. Fait que moi, c'est ça l'essentiel. Parce qu'en réalité, un peu comme pour la perception d'un éléphant, tu peux prendre un éléphant, il y en a un qui va toucher à la trompe, il va dire c'est long, il y en a un autre qui va toucher aux oreilles, puis il va dire non, non, la surface c'est pas pareil, il y en a un autre qui va toucher aux pattes, c'est pas pareil, tu sais, aux ongles, etc. Fait que tout dépendant de l'angle d'approche de la même réalité, on peut évaluer que ça a différentes formes. Donc, un peu comme les différents corps. Mais en réalité, c'est tout le temps la même réalité, mais qui est appréhendée de différentes optiques différentes en fonction de la subjectivité des individus qui en ont une perception. C'est ça. Fait que pour moi, c'est la même chose par rapport à l'être humain, parce que tout dépendant comment qu'on définit l'être humain, puis les composantes, ben, il y en a qui vont évaluer qui ont 7 corps. À un moment donné, j'avais parlé avec quelqu'un qui disait, non, l'être humain, en réalité, il y a 13 corps parce qu'il y a comme 13 chakras. Puis il y en a pas juste 7, puis là, il y a ci, puis il y a ça, puis on n'en finit plus. Mais l'essentiel pour moi, je te pose ces questions-là plus à titre indicatif, c'est d'être capable de voir, en fonction de qu'est-ce qu'on perçoit, ben c'est quoi qui en est pour nous, tu sais? Puis d'être à Ben, l'aise c'est avec ça. ça, puis ouais, c'est ça. Ben, pour revenir à ce que je disais, dans le fond, quand on parlait de corps bouddhique ou de la lèvre de l'amour, ou qu'on parlait de. C'est ça. Dans le fond, pour moi, ce qui est important à comprendre, c'est que la volonté, c'est plus au niveau de l'individu incarné. Ça va être la manifestation de l'intelligence dans sa volonté, c'est-à-dire de son. T'sais, pour moi, le son mental, c'est l'esprit, ou ben, donc, appelez comme tu veux. Là, moi, j'aime pas ça, mettre des formes là-dessus, parce que quand je le vis pas avec des formes, tu sais. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre que qu'est-ce qui est de l'amour, c'est la compréhension de l'autre, et qu'est-ce qui est de l'intelligence, c'est d'être capable de comprendre la mécanique des choses, de comment. Quand je rentre dans une pièce, on dirait que toute la mécanique de ce qui se passe alentour de moi, d'une shot, ça m'est révélé parce que je suis pas attaché à essayer de plaire à ci ou à ça. Directement, ça m'est révélé, genre. Peut-être pas dans sa globalité parce que je grandis en conscience comme tout le monde, mais je me rends compte que depuis quelques mois, on dirait que c'est comme si je sais déjà dans quoi je m'embarque avant même de mettre une forme dessus, tu sais. Oui, parce que tu peux en avoir une appréhension. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux capter vibratoirement où ce que ça va t'amener un petit peu comme on peut l'expérimenter lorsqu'on discute avec quelqu'un, puis il commence à parler, puis tu as déjà en tête l'information de la fin de sa phrase, tu sais. Exactement. Mais ça c'est sûr que ça rentre en ligne de compte l'affinité vibratoire des deux personnes, etc., etc., là. Oui, c'est ça, la capacité de s'intoniser à une même vibration. C'est ça. Donc, il faut une capacité de créer une alliance psychique entre deux personnes qui soit suffisamment transparente en termes d'ego pour qu'il y ait l'interception et la captation psychique à l'unisson de la même vibration et qu'on atteigne un point où ce que l'un peut commencer à parler et l'autre finir la phrase. Un peu comme qui peut être expérimenté, par exemple, chez des gens qui sont en relation de couple depuis 20 ou 30 ans, qui sont très syntonisés. Mais il peut y avoir une syntonisation presque immédiate aussi qui s'installe au sein d'individus si au préalable, ils ont été travaillés chacun de leur côté de par l'énergie de l'esprit en vue de cette rencontre. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça qui arrive dans un sens, que ce soit inconscient ou conscient. Il y a combien de fois que des gens, moi, qu'est-ce que je trouve cool, là, c'est quand que je me promène dans la ville, puis dans la rue, puis que je rayonne, puis que, tu sais, moi, je suis pas du genre à m'empêcher de vivre avec des gens parce qu'ils sont pas dans le supramental ou dans quoi que ce soit. Moi, j'aime l'être humain fondamentalement, puis j'adore travailler avec l'être humain parce que je me dis que ceux qui sont déjà dans la conscience, ils ont pas besoin de ça, tu sais. Ils sont déjà dans leur processus Ben, d'individualisation. C'est c'est-à-dire ça que qu'il y a c'est le des gens fun. qui sont déjà dans un état de conscience qui, à travers l'intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, vont apprécier être en contact avec l'être humain aussi, là. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est fondamental parce que j'ai été élevé dans la souffrance, puis je la comprends. C'est une seconde nature pour moi de comprendre la souffrance humaine. Puis tu sais, j'ai été dans mon expérience d'être humain, apporter à comprendre la pensée de sa plus petite fraction jusqu'à peut-être une de ses fractions les plus occultes, tu sais, de comprendre la mécanique de la pensée, puis aussi de comprendre, tu sais, on nous a appris que, tu sais, nous autres en thérapie, on nous a accepté que de l'anxiété, ça vient de la pensée que tu es incapable de faire face à un danger, puis que tu en as peur. Puis c'est exemple, tandis que occultement, de l'anxiété, c'est de l'énergie qui est jamais dans des. qui est jamais dans tes corps, puis que c'est une incompréhension de tes corps, etc., etc. Tandis que, puis quand tu as ces deux trucs-là qui viennent balancer ensemble, ben c'est là que ça devient de la psychologie évolutionnaire, parce que c'est tellement un large répertoire de la forme pensée, puis là, je parle pas de forme pensée, mais de la forme, entre guillemets, pensée, que tu es capable de la comprendre vibratoirement tout de suite. Non, exactement. Parce que c'est sûr que présentement, la psychologie traditionnelle va traiter de l'aspect visible des formes, tandis que C'est ça. la dimension occulte de l'instruction supramentale va traiter de la dimension énergétique se rapportant à ces formes. Exactement, c'est ça. Puis si tu as l'éclairage aux deux niveaux, ben ça te permet d'avoir une compréhension plus multidimensionnelle du phénomène. Ben oui, c'est ça. C'est même, moi, je te dirais que pour n'importe qui veut s'embarquer dans conscience, là, c'est vraiment important de comprendre au moins des petites bases de psychologie. Là, je te dis pas de commencer d'aller lire Socrate puis tout ça, mais tu sais, juste avoir des petites bases sur la pensée réaliste, puis sur les pensées positives, puis les pensées négatives, puis de comprendre la polarité, ça aide à maudit, là. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a des principes de base, tu sais, comme Bernard de Montréal nous a répété, là, la pensée vient d'ailleurs, il ne faut pas Ouais, c'est croire. ça. Donc, des principes comme ça, qui sont fondamentaux pour favoriser l'intégration d'une conscience. Mais moi, ce que j'aime préciser quand que je dis que la pensée vient d'ailleurs, c'est que notre cerveau, il est réceptif par rapport à notre vécu, on est réceptif à certains champs de pensée. Tu sais, les pensées, c'est comme Oui. des champs, puis on est magnétisé par ces champs-là parce qu'on est vibratoirement réceptif à ces champs-là. Fait que quand que tu comprends que la pensée vient d'ailleurs, c'est de voir, OK, c'est quoi en moi qui est réceptif à ces champs de pensée-là? C'est quoi qui fait en sorte que moi, je préfère aller écouter de la violence? Quand je le sais au fond de moi que je ne suis pas pour ça, mais que ça vient calmer certaines parties de ma psychologie ou de mon astral, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi que je veux moins, puis d'aller définir en tant qu'individu, c'est quoi que je veux moins pour être capable, à l'esprit par après, même si ça ne marche pas tout de suite, tu sais, c'est d'être capable de placer dans ton cerveau qu'est-ce que tu veux que l'esprit aille changer, qu'est-ce que tu veux que l'esprit aille remodeler, tu sais, c'est bien important d'aller définir qu'est-ce qu'on veut en identité avant de s'embarquer dans un truc de conscience, parce que sinon on se fait charrier tout le long, puis on peut vivre des psychoses. J'en ai vu du monde virer fou avec la conscience, là. Non, non, exactement, mais c'est sûr qu'en effet, il faut définir clairement ses besoins, C'est ça. puis il faut avoir la force de volonté aussi de s'opposer à l'esprit qui peut être trop envahissant, là. Donc, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont perdre contact avec la réalité parce qu'ils sont absorbés par la puissance d'une énergie qui les possède et n'ont pas une capacité oppositionnelle pour encadrer adéquatement l'énergie dans la descente de cette dernière dans la matérialité. Ah, ça, c'est bien dit, ça. Ouais, puis j'ai pas pensé, je savais pas que j'allais dire ça à soir. Non, Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis tantôt, on dit des choses qui sont quand même intéressantes. Tu m'as amené sur hein? des pistes intéressantes aussi. Mais le point que je voulais t'amener là-dessus, c'est que moi-même, dans mon expérience, parce que je recevais des pensées à caractère stimulante, si on peut dire, pour écrire des idées, tu sais. 24 heures sur 24. Fait que là, à un moment donné, je me réveillais à 2 heures du matin pour prendre des notes à 3 heures. Fait que là, ça m'a amené à faire de l'insomnie, là. C'est ça. Fait qu'il faut être capable. À un moment donné, je me suis mis en opposition par rapport à l'esprit. Puis là, j'ai dit, tu vas arrêter de m'envoyer des pensées à toute heure de la journée. Moi, il faut que je dorme. Peut-être pas toi, là, mais Ouais, moi c'est j'ai ça. quand même des besoins biologiques. Ça a marché pendant un certain temps, puis à un moment donné, je me suis fait récupérer, puis là, j'ai pris des notes pendant la nuit, puis à un moment donné, j'ai remis mon pied à table, j'ai remonté en volonté un petit peu plus, puis j'ai dit non. Mais des fois, tu sais, on peut faire deux pas en avant, un pas en arrière, fait que, tu sais, ça s'intègre pas nécessairement spontanément comme claquer du doigt, là, la maîtrise de sa conscience. Non, c'est ça. Ça me fait penser justement à ce que tu dis, là. Ça me fait rire parce que moi, tout l'autre fois, là, j'étais en train d'essayer de lire un livre dans l'autobus. Puis là, j'avais fait des prises de conscience avec mes amis. On jase souvent, tu sais, on philosophe. Ben, pas qu'on philosophe, mais on essaie de péter les formes ensemble. On s'amuse, on fait des jokes. Puis là, tout d'un coup, quand je repars tout seul sur ma bulle, ben, je suis full stimulé. Puis là, je suis dans l'autobus. Puis là, l'esprit arrête pas de m'envoyer de l'information. Puis là, je suis comme, OK, c'est cool. J'ai envie d'évoluer. Mais là, je lis un livre, ça que moi, à peine. Tu comprends ce que je fais, tu Oh sais? oui. C'est là que c'est important d'avoir une autorité mentale, parce que sinon tu vas te faire violer complètement, puis tu vas devenir un canal d'information, puis tu vas devenir leur marionnette à eux autres. C'est pas mieux, là. Non, exactement. Puis à ce moment-là, ben, tu deviens comme un esclave en réalité. Non, c'est ça. Tu sais, je jase avec des gens qui sont dans le supra ou qui sont dans, qui appellent ça, qui donnent la forme qu'ils veulent à ce qu'ils sont, là. J'essaie d'avoir une conversation avec eux autres, tu sais, puis ils disent non, non, moi je suis un outil, tu peux m'utiliser comme que tu veux. Non, non, non, non, moi je veux jaser avec un être humain, je veux avoir un contact humain d'être à être. Tu sais, je veux pas que tu aies un devoir par rapport à moi ou que j'aie un devoir par rapport à toi. Que les titres, les rôles, c'est des formes, on casse ça, puis on est deux êtres humains qui vont vivre ce qu'ils ont à vivre ensemble de toute façon. Tu sais? Exactement, parce que sans ça, s'il y en a un qui a la forme du maître puis l'autre du disciple, ça, c'est fatigant. c'est ça, ça crée une lourdeur énergétique, ça crée un sentiment d'hierarchie, puis le rapport n'est pas équilibré, puis tôt ou tard, il y aura des événements positionnels qui vont faire éclater cette dynamique-là, étant donné que c'est contre la nature fondamentale de la souveraineté de l'être en devenir. Exactement. J'aurais pas pu mieux dire, c'est exactement ça. Ce qui est drôle, c'est que des fois, je parle vite, sans réfléchir, puis c'est là que je vais sortir des choses plus précises que lorsque je me casse la tête pour trouver la bonne idée. Ah, c'est ça, c'est quand c'est le lâcher prise qui est de mise, parce que quand tu lâches prise, ben tu laisses prise. Ah, tu t'affectues, quand tu lâches prise, tu laisses prise. L'esprit. Ah, tu laisses l'esprit s'exprimer à travers soi. Exactement. Et bon en esprit. Ouais, c'est ça, bon en esprit. Ouais. Non, mais c'est l'esprit dans la forme. Non, c'est pas vrai. Oui, oui, c'est ça, mais il y a des jeux de mots comme ça qui se font bien. C'est ça notre vocabulaire québécois coloré avec les jurons associés à la religion. Donc, ouais, les fameux sacres. Il y a des choses intéressantes, comme par exemple, c'est lorsque tu te mets en crise, en colère. Que t'es dans ton énergie christique. C'est ça, exactement. Bon, ouais, puis on sait bien ce que ça fait, leur livre sacré, ça crée des concepts. Exactement, parce que le verbe sacré, ben sacré, c'est porteur d'une créativité. C'est pour ça que je suis porté à croire que le chakra sacré, ben c'est la source, parce que sacré. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des jurons, ben c'est sûr que celle-là du Christ était facile, là. Ah ouais. Mais, tu sais, c'est comme une étiquette pour rehausser. Tu sais, tu vas dire, ta pointe de pizza était bonne en crise. Ah oh, ouais? Ouais, fait que c'est comme si tu dégusterais un objet investi d'une conscience christique. Ouais, c'est ça. Ah oh, ouais, c'est ça. Ça dit ce que... Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, je parle beaucoup avec des Français, je les aime bien, tu sais. Salut à mes amis de la France, en passant, c'est vraiment cool. Alors, du coup, on vous salue, nous sommes présentement au Québec, alors voilà, nous adressons à vous, le gérant de la République. Je suis avec David Lévesque, c'est chômé, les mecs! Alors, j'espère que vous nous comprenez nickel. Ouais, pour les Français à la maison, je parle beaucoup avec des Français, puis je me rends compte que c'est... Même eux, ils me disent que vibratoirement, utiliser des sacres québécois, ça fait beaucoup plus qu'un bordel de merde. Parce que j'ai l'impression que bordel de merde, c'est comme fuck you, mais poliment. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement. Donc, ben moi, je trouve qu'il y a une plus grande intensité dans les jurons québécois que les jurons de d'autres peuples là, dans le monde. Oui. Parce que les Anglais aussi oui. ont... Oui, mais ils utilisent le F-word, the F-word, là, qui est associé ça. À la sexualité. Tu sais, quelqu'un peut dire « fuck the fucking fuckers ». Puis en plus, « fuck », ça veut dire « fornication under the consentment of the king ». Oui, exactement. Donc, la fornication soumise au consentement du roi. Donc, la personne n'est pas libre dans la forme de son expression sexuelle. Non, c'est ça. Rien de moins. Mais la particularité... Oui? C'est de l'astralisation. Autrement dit, celui qui dit « fuck », c'est lui qui se fait baiser. Dans un sens, exactement. Mais c'est ça, il y a des jurons de peuple qui sont associés à la sexualité non intégrée. Mais la particularité des jurons québécois... c'est d'être associé à une opposition à la religion parce que des formes religieuses. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une opposition au plan astro qui était derrière la religion. Donc, qui amène une émancipation à la haute astralité qui, autrefois, soumettait, entre autres, les gens au Québec. Ben oui. Tu remarqueras quand tu sacres en avant de quelqu'un qui est soumis à des égrégores religieux, là, il te regarde croche puis il capote, puis dans sa tête à lui, tu viens de défaire sa vie, là, c'est vraiment quelque chose. Non, non, c'est ça, exactement. Là, mais c'est sûr que après ça a une... Ça vient parler de libre-arbitre. C'est quand même drôle. Ben, quelqu'un qui est dans la religion va pas... en tout cas, comment dire... Il est pas libre d'une manière absolue parce qu'il est soumis à des formes religieuses. Non, c'est ça. Mais ce qui est triste, c'est que, tu sais, la religion, ça amène des formes qui sont quand même hautement spirituelles, puis qui peuvent permettre à un individu, une fois désassujetti de ces affaires-là, de comprendre tellement d'affaires. Parce que c'est, tu sais, l'énergie, elle a créé des mouvements pour élever l'astral jusqu'à temps qu'à un moment donné, on puisse capter cette énergie-là. Fait que les formes des religions, surtout les religions les plus émergentes ou les plus puissantes, qui utilisent des formes qui sont quand même proches de l'énergie, fait que l'être humain qui réussit à se désassujettir de sa spiritualité ou de la religion, on se rend compte que finalement, il n'était pas si fou que ça. Il avait juste une approche trop émotionnelle puis pas assez mentale de ce qu'il prônait. Exactement, mais comme il a déjà été dit, tout sert. Donc, Non, c'est temporairement, ça. la religion peut permettre à une personne de s'ajuster en conscience, mais éventuellement, la personne doit procéder par elle-même sans le support d'un collectif pour l'encadrer dans son Ah oui. comportement. Ouais, exactement. Ce qui nous ramène à la souveraineté, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autorité au-dessus de soi. Donc, ça, c'est quand même un sujet important parce que les gens qui se conscientisent, qui évoluent dans l'intégration de la conscience supramentale sont appelés à être totalement souverains dans leur conscience, c'est-à-dire Exact. d'être une libre, dans un état de liberté telle de la programmation collective qui ne saurait être améliorée. Donc, C'est autrement ça. dit, la personne n'a plus besoin du support collectif pour Non. évoluer parce qu'elle peut évoluer par elle-même de par l'autorégulation de son être. Exactement. Moi, je vois comment dans mon petit dessin personnel, moi, je vois ça comme si tu sais, ce qu'on appelle des extraterrestres, pour moi, c'est toutes les énergies qui sont comme toutes les étoiles dans un sens. C'est pas des êtres. Ben oui, c'est des êtres. Moi, je dis, tu sais, comme qu'ils disent dans les religions, ils disent que Dieu se présente à l'être humain comme il pourra le voir. Donc, l'énergie supramentale va se présenter à l'homme à son taux vibratoire. Donc, quelqu'un qui est capable de. Que le plus haut dans sa conscience qui va vibrer, il va voir des petits bonhommes pour représenter l'esprit. Tandis que de l'esprit, c'est pas des petits bonhommes, c'est bien plus simple que ça, tu sais. C'est pas, Non. c'est immatériel. Tandis que en s'involuant, ils vont s'involuer dans des formes qui sont collectivement plus acceptables, donc des extraterrestres, des petits aliens, des petits cris. Puis Oui. les extraterrestres, c'est la même chose. C'est des énergies qui sont prises dans la. Pour moi, les extraterrestres, c'est les énergies du noyau de la Terre, c'est-à-dire que c'est la conscience collective en soi. Puis ce Mais qu'on tu parles, appelle attends une minute, les. attends une minute. Est-ce que tu parles ici des extraterrestres ou des intraterrestres? Les deux. La seule différence, c'est que ce qui est extraterrestre, c'est ce qui est extra-mécanique planétaire. Tandis que ce qu'on va appeler les reptiliens ou ce qu'on va appeler whatever, tout ce qui est intraterrestre, c'est facile de faire un lien entre le cerveau reptilien, qui est la conscience archaïque de l'homme, puis l'archétype du reptilien, qui est un intraterrestre. Puis je comprends que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient vu des intraterrestres, des affaires comme ça, parce que c'est des formes que l'énergie de la Terre peut prendre pour se présenter à un individu qui serait pas capable d'encaisser le fait qu'il voit de l'énergie se manifester devant lui. Ben, en fait, c'est ça. C'est une forme que l'ego pourrait accepter. Ou qui servirait à magnétiser l'ego, justement, à cette intraterrestrialisation. Oui, ben c'est sûr que dans le fond, tout est reçu selon la forme du récipient. Exact. Donc, c'est sûr que ça me fait penser aux peintures dans le Moyen Âge où des gens disaient voir des croix en feu dans le ciel pour représenter des extraterrestres. Puis là, on développe de la technologie. Puis curieusement, ah, c'est des vaisseaux en métal. Ouais, c'est ça. Donc, il y a la projection de l'être humain puis de sa technologie. C'est ça. Qui peut être faite. Fait que, tu sais, c'est tout le temps l'interprétation en fonction de nos paramètres actuels qui définit la nature de l'expérience de notre rapport à l'énergie. Exactement. Mais, Puis oui, vas-y. Où je m'en allais avec ça, c'était pas, je voulais pas m'attarder sur le fait des intraterrestres, parce que ça, je me dis que c'est quelque chose de personnel à chacun. On le vit tout, puis on le comprend tout à notre façon, mais ce qui est important, c'est d'essayer de le voir d'un point de vue absolu le plus possible, parce que c'est le seul moyen d'être objectif, c'est du point de vue de la source. Selon moi, c'est la seule affaire qui est objective à 100%, parce que c'est ce qui crée. Puis, comment je vois le truc, c'est que le noyau de la Terre ou les énergies de la Terre, ce qui est polarisé, c'est-à-dire toute l'énergie qui marche entre les pôles magnétiques de la Terre, est contenue dans le noyau de la Terre. Donc, si on cherche la conscience collective, selon moi, dans le manifesté, elle est là. Puis, c'est ça qui fait que notre conscience est en quarantaine sur le plan terrestre, parce que l'énergie de notre corps notre corps physique va tout le temps être magnétisé par le noyau de la Terre, c'est normal, mais je me dis que notre conscience est magnétisée par le noyau terrestre parce qu'on est polarisé en quelque sorte par cette pensée-là qui est dans le noyau terrestre. Tant aussi longtemps qu'on est, dans le fond, magnétisable, et tant aussi C'est ça. longtemps qu'on n'a pas développé une capacité de volonté supérieure à l'influence du noyau terrestre pour nous en affranchir. Exactement, c'est C'est ça. la même That's chose it. par rapport à la programmation astrologique. Tant aussi longtemps qu'on a une volonté qui est plus faible que l'influence des astres qui sont situés dans le système solaire, on est Ouais. conditionnable. Mais le jour qu'on développe une volonté de nature cosmique, par-delà les influences planétaires, ben à ce moment-là, on est libre de ces influences-là parce qu'on a une autorité vibratoire qui nous permet d'être au-dessus de ces dernières. Ouais, mais pour une fois, là, ce serait le fun que l'homme il catch que c'est pas nécessairement les astres qui l'influencent, mais que les astres puis lui, c'est la même affaire, puis que quand il va changer sa façon de voir les choses, c'est lui qui va influencer les astres et non l'inverse. C'est lui le cosmos et non le cosmos qui va être obligé d'y expliquer comment il est, parce que c'est lui le cosmos dans un sens. Oui, tu as raison, parce qu'un peu comme j'expliquais tantôt par rapport à la compréhension de la réalité d'une nature quantique, donc il y a un champ quantique universel, puis les atomes ou les particules, ben eux autres, il y a une interinfluence qui se fait entre eux, là. Donc, Exact. en effet, l'être humain pourra influencer les astres, au même titre que les astres influencent l'être humain, mais au moins, il y aura la possibilité, lorsque l'être humain va monter en conscience, d'horizontaliser la relation, même peut-être qu'il peut horizontaliser la relation avec les entités du plan astral et du plan de l'esprit, Exact. pour plus servir de pion, par exemple, aux entités astrales qui vont chercher à manipuler l'être humain pour lui vampiriser de ses énergies vitales. C'est ça. Pour juste, parce que l'être humain fonctionne pas mal plus par son anti-homme que par son pro-vie, comme on dit, là. Ouais, tant aussi longtemps qu'il n'est pas pleinement conscient. Non, c'est ça, mais c'est comme un oignon, hein? T'enlèves des couches, t'enlèves des couches, t'enlèves des couches. Puis là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus que je grandis en conscience, j'enlève des couches, on dirait que moins je suis patient. Puisque c'est un peu comme le Nazaréen, avec sa sainte colère à la fin, il a-tu pété sa coche, hein? Ben c'est ça, à un moment donné, c'est pas si, moi je dis ça aux gens qui grandissent en conscience puis qui trouvent ça de plus en plus difficile parce que j'ai des amis qui vivent des choses présentement, tu sais. Puis c'est normal si c'est de plus en plus dur parce que tu te rapproches de plus en plus de ton anti-homme. Puis à un moment donné, ça va faire assez mal que tu vas toucher à la pierre qui est en flamme puis c'est là qu'elle va sortir d'une shot. Ben, on va définir ici qu'est-ce que tu entends par antium. C'est tout qu'est-ce qui. Ben, c'est tout l'astral dans l'homme, dans le fond. Tout, ben, de l'astral, le luciférien, appelle ça comme tu veux. Pour moi, j'aime pas ça mettre une forme là-dessus, mais c'est tout qu'est-ce qui fait que l'homme va essayer de manipuler l'homme pour se définir en identité ou pour assujettir l'autre à lui. OK, bon, on peut parler de l'orgueil. Entre autres, ben oui. L'orgueil, c'est un des plus gros poisons. Je te dirais le médiocrisme, la médiocratie qui travaille en l'homme. Puis, les peurs. Autrement dit, tout ce qui empêche l'être humain d'être transparent. Exactement. C'est ça, les voiles. Et pour en venir à dévoiler ça, qu'est-ce que l'être humain doit faire? Ben, c'est d'être capable de s'observer, puis d'être capable d'aller voir en arrière du jeu de ses peurs, c'est quoi qui se passe psychiquement. D'être capable d'aller voir, parce que l'énergie, elle va toujours venir t'attaquer, ou l'extérieur, parce que l'extérieur et l'intérieur, même affaire, ça se passe simultanément. Que l'individu va tout le temps être attaqué ou ce qui est attaquable. Fait que là, c'est d'être capable d'aller voir dans ses énergies qu'est-ce qui fait qu'il est attaquable, à quelle mémoire c'est relié, puis d'être capable d'épurer ça ou d'avoir une conscience intelligente. C'est-à-dire, en étant neutre, d'être capable d'observer la mémoire, qu'est-ce qu'elle lui permet de comprendre sur lui-même. Éventuellement, l'anti-homme, c'est peur, puis c'est peur, puis c'est peur, puis à un moment donné, il n'y a plus grand-chose qui l'atteint. Mais Oui, c'est normal que ben vers ça la me fait fin. penser ça. Ça revient au principe de neutraliser les failles de l'âme au sein de l'individu. Exactement, pour les transmuter en force. Exactement. Fait que c'est ce qui nous permet de faire un usage positif du négatif pour donner le mieux. Exact. Oui, pour apprendre ça Puis avec là. un autre principe. Oui, c'est ça. Mais le meilleur moyen d'observer tout ça, c'est d'être neutre. C'est dur au début, mais à un moment donné, ça devient une seconde nature, là. Oui, parce que l'être humain n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Parce s'il n'est pas capable d'être neutre puis d'observer ce qui se passe, puis s'identifier à ce qui se passe, il est toujours soit dans une conscience de victime ou une conscience de sauveur ou de bourreau. Tu sais, il se promène en fonction de polarité. C'est ça. Puis c'est là que, selon moi, l'amour devient important, mais l'amour de soi avant tout, là. Parce Oui. que quand que tu sais, de l'amour pour moi, c'est un neutron, tu sais, ça ne cherche pas à dominer personne, ça ne cherche pas à être dominé non plus, un peu comme l'intelligence, sauf que des fois, l'intelligence, ça peut effectivement chercher à dominer quand elle manque de cœur. Puis quand que tu es dans l'amour, tu es capable de te comprendre plus parce que tu es patient envers toi-même, tu es attentif, tu es capable d'observer ta mécanique dans le fond. Puis quand tu te rends compte que l'autre est un peu une projection de toi-même, puis que tu vas tout le temps attirer des gens qui vibrent à toi. Moi, j'ai remarqué que les gens avec qui je ne vais pas, ils ne me remarquent même pas. Des fois, dans l'autobus, on dirait que j'existe même pas. T'sais, j'étais avec mon ami, on a du fun, puis on dirait que les gens autour de nous, ils ne nous voient même pas, genre tellement qu'on est sur un autre taux vibratoire. Oui, ben c'est sûr qu'il y a un adage qui dit que les destinées sont proportionnelles aux pensées ou tu sais en tout cas Ouais, c'est ça. c'est ça exactement les gens qui sont sur la même longueur d'onde se remarquent parce qu'il y a une captation puis ben c'est comme pour nos yeux tu sais on peut pas percevoir par exemple les ultraviolets on n'est pas sur cette bande-là fait que même si cette réalité-là existe en termes de luminosité, on n'est pas capable de la voir. Donc, pour nous, c'est comme si ça n'existait pas, mais c'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais c'est parce qu'on la capte pas. Non, c'est ça. C'est la même chose par rapport à la conscience supramentale, par rapport à un individu qui n'est pas marqué dans son destin pour l'expérimenter dans le cadre de son incarnation présente. Exactement. Donc, c'est bien parce que ça te permet de passer inaperçu par rapport aux gens qui ne sont pas concernés par rapport à toi. Non, c'est ça. Mais en même temps, j'ai une certaine faculté d'être capable de m'ajuster aux gens parce que j'ai été. Tu sais, j'ai fait affaire avec l'homme, que ce soit dans la rue, que ce soit des gens quand même. Tu sais, j'ai de la famille qui est quand même à l'aise financièrement, fait que je suis capable de bien me tenir, je suis capable de prendre soin de ma forme, puis d'être assez caméléon, puis de me promener un peu partout, tu sais, c'est ça que ça fait la vie. Puis, je me rends compte que pour travailler avec l'homme, ça va être utile de, pas nécessairement d'essayer de faire comprendre les plans à l'homme, mais d'être capable de faire comprendre l'homme au plan. C'est-à-dire d'être capable d'utiliser ma conscience que j'ai aujourd'hui pour travailler avec l'homme à son niveau, à lui, ou lui, si jamais j'ai à travailler avec l'homme, parce que moi j'aimerais ça travailler au niveau. C'est surtout avec les jeunes que je veux, parce que c'est fou, la quantité phénoménale de jeunes potentiels qu'il y a au Québec, là, ça n'a juste pas d'allure, là. Non, oui, Puis. exactement. Moi, c'est sûr que je suis en contact avec des gens de tous les âges, autant des adultes, des gens dans la quarantaine, dans la vingtaine, tu sais. C'est sûr qu'en effet, les jeunes, il y en a plusieurs qui ont du potentiel, puis comme ils ont une programmation mémorielle moins rigide que de gens qui sont plus avancés en âge, ben des fois, ils sont plus disponibles pour le changement, pour s'ouvrir C'est à des ça. nouvelles choses. Mais en lien avec ce que tu dis, c'est sûr qu'en effet, si on travaille avec les gens, il faut être capable de s'ajuster à eux, à leur sensibilité. C'est ça. Puis c'est sûr que sinon, en réalité, dans une relation qu'il y a, par exemple, entre deux individus, c'est souvent celui qui a le taux vibratoire le plus élevé qui a à s'adapter à l'autre, qui a moins Exact. grande contenance d'énergie. Dans le fond, harmoniser ou ajuster la relation. Fait que plus que la personne monte en vibration, plus qu'elle se retrouve dans une situation implicitement ou explicitement où c'est elle qui va s'occuper d'ajuster la. C'est sûr que les deux participent à ajuster la relation, mais je veux dire, c'est que la personne qui a une plus grande capacité de contenance va toujours être dans une position de s'ajuster davantage que l'autre qui Ouais. est partie prenante de la relation également, là. C'est ça. Ouais. Puis, ce que j'ai remarqué qui est cool aussi avec l'énergie, c'est que tu sais, il y a un taux vibratoire, mais d'un taux vibratoire à l'autre, ce qui est cool, c'est que l'énergie reste la même. Fait que des fois, dans l'inconscient humain, quelqu'un qui est dans un taux vibratoire bas, mais qui n'est même pas conscient de me dire des affaires tellement poussées que des fois, faut être attentif à ce que les gens ils disent autour de nous parce que ce soit quelqu'un qui est conscient ou pas, il va sûrement dire, si l'énergie va diriger ton attention sur ce que quelqu'un va dire, c'est sûrement parce que tu en as besoin. Faut pas virer fou puis prendre pour du cash tout ce que tout le monde te dit, mais quand ça vibre, des fois, là, faut pas s'empêcher de vibrer parce que c'est quelqu'un de conscient ou c'est quelqu'un qui écoute une game de hockey, là, comment je veux dire? Oui, ben il faut s'ajuster, il faut être capable de s'ajuster immédiatement. Ouais. Puis des paroles intelligentes peuvent autant venir, peu importe le statut hiérarchique de la personne peut être médecin, elle peut être architecte, elle peut être avocate, mais la C'est personne ça. aussi peut être préposée à l'entretien ménager, elle peut être prostituée aussi, puis elle peut dire des choses intelligentes. C'est ça, tu sais, dans l'État, il n'y en a pas de hiérarchie, là. L'État, c'est vide. Ben c'est ça, au niveau cosmique. Mais les nuances qui peuvent s'appliquer, c'est qu'il y a des différentiels de taux vibratoire qui font en sorte que, par exemple, une parole va être plus ajustée qu'une autre. Ah, c'est ça. Donc, c'est sûr que tu peux regarder, mettons, que la vibration que véhicule Bernard de Montréal, puis là, tu regardes des politiciens qui dirigent le Québec, puis tu vois que non, ils n'ont pas la même capacité de parler, là. Non, c'est ça. Fait que tu vois que c'est pas nécessairement le même taux vibratoire, là. Donc, il y a quand même des différentiels énergétiques qui existent, sauf que la source qui est derrière tous les individus qui constituent le cosmos est même. C'est ça. Donc, c'est un champ d'énergie unitaire de manifestation en potentialité. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que si on travaille à partir du vide au niveau cosmique, qui représente l'ensemble des potentialités en tant que champ quantique, C'est ça. à ce moment-là, on fait un travail à un autre niveau que si on s'attarde strictement à l'ego de l'individu pour dire, ah, ben lui, je parle ou lui, je parle pas, puis si, y a ça, tu sais. Mais c'est ça, de n'importe quel ego, il peut avoir. Tôt ou tard, des choses intelligentes qui peuvent être créatives ou qui peuvent sortir. Fait que d'où la pertinence d'être capable de s'ajuster aux gens pour être en mesure d'entrer en interface d'une manière efficace avec plein de personnes, là. Ouais. Exact. C'est ça. Donc, c'est ça, en passant, le principe pour faire des entretiens avec des personnes, là, des entrevues ou des enregistrements, c'est d'être capable de s'ajuster, tu sais. Ouais, c'est ça. Tout est là, justement. Ouais, Dans l'air, exactement. justement, c'est pas moi qui ai inventé le jeu de mots, là, ça existait déjà, là, mais je trouve ça C'était là, intéressant. justement. Ouais, c'est ça. Tout est là, justement. Ben oui. L'absolu est au cœur du relatif. Tout est Exactement. fractal. Ouais, Fait que c'est ça. l'essentiel est toujours dans le superficiel ou dans la matière ou dans le manifeste. Le non-manifeste au cœur du manifeste. Ouais, exact. Fait que, en réalité, dans un sens, tout nous est donné. C'est comme Bernard de Montréal qui disait, il n'y a rien à savoir, tout est là. Tout est su. Tout est Il n'y su, a tout est rien à connu. comprendre. Tout est su. Avec le beau roulement d'air que Ah, c'est ça. Ah. mets. Exactement. Hey. Oui? Moi, je vois ces gars-là comme, tu sais, c'est des amis de l'humanité, tu sais, ils sont là pour nous, nous autres, quand j'étais avec mes amis, tu sais, on y est tout le temps, tu sais, on imite Bernard, on imite Daniel Kemp, on s'amuse, tu sais, puis on se dit que ces gars-là, ils devaient le savoir à quelque part, qu'on allait être là, puis qu'on allait rire d'eux autres à un moment donné, puis moi, je me dis que des fois, ils en mettaient un peu, tu sais. Ben, c'est sûr que, entre autre, Bernard de Montréal, des fois, il faisait de l'humour, tu sais. Ah, ben oui. C'est bien correct. Moi, je sens une complicité psychique par rapport aux initiés qui sont venus sur Terre. Ben oui. Ils ont laissé des traces, des enregistrements, des livres, et on peut se connecter aujourd'hui à leurs égrégores, à leur structure énergétique, ce C'est qui des fait antennes. que on commence pas à zéro. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a déjà une infrastructure qui est là, tandis que les gens qui ont, comme Bernard, tu sais, parce qu'il est arrivé avant Daniel Kemp, là. Ben, ils sont arrivés en même temps. C'est juste que Daniel Kemp, vu qu'il avait 13 ans, lui, il a fallu qu'il passe. Dans le fond, l'astral a été manipulé, elle manipulé lui par l'énergie supramentale. C'est ça qui est arrivé. Ben, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Bernard a commencé à diffuser publiquement avant Daniel Kemp. OK, ça, je ne savais pas. OK, Bernard, il a commencé le premier enregistrement en 1976-77. ouais. Bon, Ben, en réalité, je mettrai pas de forme là-dessus, là, parce que des gens qui c'est pas vont. important, c'est pas C'est ça, important. exact, exact. Mais en réalité, pour être honnête, il me semble que c'est Bernard en premier, puis que Ouais. ce qu'on m'avait dit, c'est que Daniel Kemp avait été même un séminaire de Bernard. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ça a l'air qu'ils ont eu du fun. Oui, exact. Mais en tout cas, peu importe, c'est pas vraiment important parce que Non. l'essentiel, c'est que l'instruction est disponible, Exact. puis qu'on puisse en bénéficier, puis il y a un effet multiplicateur. Donc, il y a eu ces deux-là. Ensuite, il y en a d'autres. Tu sais, si tu as deux personnes, puis après ça, tu en as 2 000, après ça, tu en as 20 000, tu en as après ça, 200 000. Tu sais, il y a un effet multiplicateur au fil des décennies, C'est du ça. temps, qui fait en sorte que ça devient de plus en plus facile d'y avoir accès. Exactement. Tu sais, ce qui me vient en tête, c'est un petit peu comme à un moment donné, il y a eu la création d'une voiture. Bon, ben, ça a été un tour de force d'en faire une deuxième. Puis après ça, ben, il y a eu la production en chaîne de voitures. Puis aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès à une automobile. Puis il y a plein de Ouais, modèles. c'est Puis ça. tout est fait en société par rapport à ça. Tu as des autoroutes, Exact. tu as des garages. Fait qu'il a tout fallu qu'ils inventent l'infrastructure liée à la nouvelle interface que représentait la voiture. C'est la même chose par rapport à la conscience supramentale, parce qu'il va y avoir toute une modification des interfaces sociales, comme par exemple, il va y avoir des éducateurs éventuellement qui vont avoir la sensibilité pour véhiculer une éducation à des enfants qui va être ajustée vibratoirement. À un moment donné, tu auras le système médical ou tu auras la science de l'esprit qui va être appliquée par des médecins. Même chose par rapport à des psychologues, même chose dans différents secteurs d'activité. Toute la société va connaître une mutation au fil des siècles en relation avec l'intégration de l'énergie supramentale pour une remodélation sociale pour favoriser l'individuation à grande vitesse. Exactement. Mais ça, c'est sûr que ça reste un point de vue linéaire de la chose, puis qu'il faut pas... que les gens ils pensent que si jamais ils sont qu'ils auront à se taper tout ce chemin-là, parce qu'à un moment donné, quand ta conscience est tellement esthétique que tu peux plus fitter avec le corps matériel, l'initiation peut t'amener à aller dans un temps ou dans un moment où ce que tu peux être plus propice à définir ton évolution qu'ici. Exemple, dans un temps parallèle ou dans un temps futur, on s'en fout, c'est pas important, là. Oui, exactement, parce qu'après tout, la Terre, c'est une planète expérimentale. Exact. Une planète d'expérience. Tu sais, pour moi, la façon que je vois ça, la Terre, c'est une planète école. On peut faire certaines étapes ici. Ah, c'est ça. Mais il peut y avoir d'autres planètes qui sont plus appropriées pour développer d'autres choses. Ouais. Au même type que, par exemple, ça peut être approprié de faire la culture de bananes dans un pays où la température est plus chaude au Québec. Exactement. Par contre, ici, le Québec, c'est la place par excellence pour le sirop d'érable parce qu'on a des zones écologiques là, par rapport à ça, que le type d'arbre approprié, puis la température permet ça, mais chaque chose a sa place, puis chaque planète a des fonctions distinctes. Exact. Donc, moi, c'est ça. Moi, je vois ma vie sur Terre comme étant un séjour, dans le fond, temporaire par rapport à la définition de ma conscience à travers l'expérience d'être au monde à travers un corps par rapport à cette planète spécifique. Exactement. Donc, c'est la façon que je vois ça, un petit peu comme un voyageur qui va à une destination. Il fait un voyage à Cuba pendant 2 semaines. Après ça, il va aller à une autre destination. C'est ça. Exact. Fait que, donc, c'est ça, la Terre, c'est pas le bout du bout, là. Non, c'est ça, c'est aussi... Tu sais, quand on va avoir. Moi, je suis pas rendu nécessairement à avoir ma conscience éternelle, c'est-à-dire de me rappeler que j'ai pas eu de début puis que j'ai pas eu de fin puis tout ça, mais je sais qu'éventuellement. En réalité, tu peux pas techniquement t'en rappeler parce que se rappeler de cela implique un processus de réflexion. Ouais, non, c'est ça, mais je peux pas le vibrer non plus parce que je le sais que je suis pas rendu là, tu sais. Mais en même temps, je le sais en quelque part, là. Mais c'est ça, mais tu peux le savoir vibratoirement. Mais tu peux pas t'en rappeler. Ben, en fait, quelqu'un qui a une conscience très avancée, il fait pas référence à des mémoires du passé pour le définir parce qu'il s'auto-définit dans le moment présent en fonction de la manifestation créative qui se renouvelle continuellement. Non, c'est sûr, mais il peut quand même se servir de, par le biais de sa conscience de tout ça, aller chercher dans l'instantané des mémoires à côté qui est peut-être 10 000 ans, mais qui est juste à côté pour lui parce que sa conscience est capable de le faire. Pour certes pas un individu qui serait capable de le faire, bien sûr. Oui, ça pourrait être possible que, par exemple, quelqu'un qui va aller chercher des archives par rapport à des gens qui ont résidé en Atlantide pour, par exemple, étudier les cristaux qui, par la suite, peuvent être utilisés pour capter des énergies puis faire différentes choses. Mais encore faut-il que ça soit pertinent de le faire parce que c'est sûr que si on s'égare à aller jongler avec des consciences, par exemple, du Moyen-Âge ou d'autres époques, bien... c'est de voir tout le temps la pertinence par rapport à ça. Ben moi, ce que je trouve, là où ce que je trouve ça le plus pertinent, c'est qu'on vit aussi en l'an 2800, en l'an 3500. On vit dans tous les temps simultanément, mon cher. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que seulement une chose dans l'univers, et pour moi, l'univers n'a jamais eu de cause, il n'y a jamais eu de commencement, puis il n'y aura jamais de fin. Non, c'est ça. Ben, ce qui commencerait à être le fun, c'est que nous autres, avant, on vivait uniquement de mémoire du passé, puis là, maintenant, avec la conscience supramentale, on peut incarner des mémoires de l'avenir présentement. Puis ça, c'est le fun, honesty. Parce que je le sens des fois que ça m'arrive, que je vis de quoi. Mais moi, je suis pas intéressé à garder de mémoire du futur, parce que à ce moment-là, c'est de la soumission à une forme. Mais non, c'est moi. Oui, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la mémoire, c'est la vibration qui est derrière la forme que constitue la mémoire. Fait que pour moi, de vivre en fonction de mémoire en relation avec le passé, me garde dans une ligne de programmation. Oh, mais check bien ça, on va faire un paradoxe, OK? Oh, mettons, oui. Moi, je me rappelle de moi dans 20 ans, que j'ai réussi à créer quelque chose qui va permettre aux gens de créer leur double de façon plus intelligente. Ben, en m'en rappelant, dans le futur, je peux dans le présent le créer pour que cette mémoire-là devienne valide. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui, mais on peut être encore plus simple que ça. C'est-à-dire que tu Vas-y. donnes à maintenant tout ce que tu as besoin de savoir, puis tu bénéficies directement de toute l'autorisation, l'autoréalisation requise Ah, c'est ça. par rapport à ce que tu peux contenir. Fait que tu n'as pas besoin de te relier au futur, mais à travers une improvisation transcendantale de toi dans le moment présent, tu te donnes accès à ce que tu as de besoin pour y répondre d'une manière adéquate. Ah, c'est bon, ça. Être créatif. Oui, c'est ça. C'est à travers la créativité, tout simplement. Fait que moi, pourquoi faire complexe quand on peut faire simple? Je sais pas, pour l'essayer. Ben, ça peut être le fun, tu sais. On a des scénarios de films comme par exemple Terminator, puis là, il voyage dans le temps, le robot, puis là, il va essayer d'interférer sur un passé qui va empêcher la destruction de Skynet ou peu importe. Donc, on peut jouer là-dedans, puis là, ça devient complexe à suivre. Mais moi, en ce qui me concerne, puis en fait, tu fais ce que tu veux, là, naturellement, là. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est ça. moi, la façon que je vois ça, c'est que c'est plus intelligent de me relier psychiquement à l'intensité de ce que je peux vibrer maintenant que d'essayer de me lier à un moi futur qui a passé à travers les épreuves que j'ai connues. Mais en réalité, le moi futur qui a passé à travers les épreuves que j'ai vécues quand je le regarde, c'est encore moi, parce que demain, c'est maintenant, hier, c'était Ouais, c'est ça. maintenant, puis aujourd'hui, c'est maintenant. Fait que, Ouais, c'est ça. oui, OK, dans ce sens-là, je comprends ce que tu voulais dire tantôt. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, si je garde ça plus simple, même par rapport à ça, qu'une partie de nous-mêmes qui a déjà transcendé la condition qu'on est appelé à transcender, oui, on peut chercher de se relier psychiquement à elle, mais en même temps, si on se relie psychiquement à notre noyau qui est central à tous les maintenant qui sont exprimés à travers la phénoménalité, on est encore au point de rendez-vous avec nous-mêmes. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Mais moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que, mettons, moi, ce que je veux dire par le futur, c'est surtout de moi en termes de double éthérique, tu sais. Parce que pour moi, ce qu'on appelle la sixième gang ou la sixième, ce que tu veux, ou l'homme nouveau, pour moi, c'est l'homme qui est dans le verso des choses, autrement dit, de l'autre bord du décor, puis qui voit différemment. Pas nécessaire. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va finir par descendre dans la matière, ça, là, mais. Moi, comment je vois ça, c'est que c'est surtout une race qui vit ailleurs sur un autre plan, puis qui a la possibilité de devenir ici, tu sais. Ouais, ben moi, la façon que je vois ça, c'est qu'il y a une autre humanité qui a la capacité de vivre sur tout les plans consciemment, simultanément. Exactement. Parce qu'il ne faut pas Exactement, c'est ça. fuir dans la transcendance. Tu sais, quelqu'un va dire, ah, je vais délaisser la matière pour me spiritualiser. Pour moi, l'individu conscient, Non, non, non, non, il non. est à la fois capable de jouir de la dimension physique que Ah oui, il va d'une être plus proche de la conversation matière que jamais. télépathique avec un être cosmique. Non, c'est sûr. Donc, c'est ça. Pour moi, l'être humain multidimensionnel ou intégral, Exact. c'est qu'il va être capable autant de se développer sur le plan physique, psychique, qu'amoureux, que sur le plan intellectuel ou C'est autre. ça. Moi, j'en ai rien à foutre de retourner à la source. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir descendre la source dans la matière. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des Oui. potentiels. La source, c'est une infinité de potentiels tellement grande qu'on n'est même pas capable de s'imaginer tout ça parce qu'on n'a pas encore la conscience. Mais d'être capable d'expérimenter ce potentiel-là dans la matière, d'être capable d'amener ça dans le matériel, ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est hot. Ça me parle. Comment est-ce que je veux? Exactement. Oui, ben c'est en fait ça revient à vouloir être global, individué. Vivre l'absolu au cœur du relatif. Donc c'est sûr qu'à quelque part l'être humain nouveau aura des capacités en lien avec sa capacité de manifester créativement la source à travers la matière puis faire un usage créatif de la matière qui va trouver ça stimulant, un peu comme l'artiste qui fait une peinture. Tu sais, quelqu'un qui est absorbé parce qu'il fait une œuvre d'art comme une chanson, une peinture, puis il perd la notion du temps et de l'espace, qui expérimente le flow, FLOW, c'est-à-dire vivre le here and now, le moment présent, ben la C'est personne ne sûr. s'ennuie pas. Quand quelqu'un fait de la Non. créativité puis est totalement absorbé dans ce qu'il fait, l'ennui, la réflexion n'est pas possible parce que la personne est toute là. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de s'habiter. Puis en s'habitant totalement, ben c'est là qu'on a du plaisir, on jouit de la vie, puis on jouit Non, c'est ça. du plan physique, là. Exactement. Fait que c'est sûr que le temps file après presque 2 heures de conversation. OK. Donc, je vais songer à conclure avec toi la discussion d'aujourd'hui. OK. Donc, c'est sûr que pour les gens qui auront apprécié l'enregistrement, ainsi que les autres que je rends disponibles naturellement sur ma chaîne YouTube, vous êtes bien entendu les bienvenus pour m'acheminer une contribution financière. Vous avez d'ailleurs mes coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Donc, advenant qu'il y ait des gens qui veulent me faire un virement d'argent par les services sécurisés de PayPal et également d'Interac pour me supporter dans mes activités de diffusion web qui permet à certaines personnes de prendre la parole à travers les invités là, que j'ai interviewés au fil du temps. Donc, des gens qui ne vont pas nécessairement passer dans les médias de masse pour Parfait. l'instant. Donc, c'est ça, je vise à présenter des gens qui présentent une alternative au discours unique auquel la société nous expose souvent à travers les médias. Et sinon, j'apprécie beaucoup la discussion qu'on a eue, Yannick. Ouais, c'était cool. Puis, je veux mentionner aux gens qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur toi qu'il est possible d'entrer en contact avec toi à partir de Facebook. Et également d'avoir accès à des vidéos que tu as produites sur YouTube. Et Exact. les gens pourront retrouver là, naturellement en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui tes coordonnées. Donc, pour les gens qui veulent te découvrir, et sinon, par rapport à toute cette discussion qui nous a amenés dans plusieurs directions, Ouais. est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, ben merci surtout pour la plateforme de diffusion. J'apprécie énormément. Excellent. Donc, c'est parfait. Fait que je te remercie également, bien sûr, de t'être prêté à l'exercice de cette discussion que j'ai trouvée stimulante Ah, moi aussi. et excellent. Donc, c'est un plaisir mutuel. Ouais. Et à ce moment-là, bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.